Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui une semaine sur deux vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin et comment vas-tu Roman ce soir ? Mais ça va bien, ça va très bien, ça va très bien. Eh ben écoute, suite à une petite pause pour des raisons diverses et variées, on se retrouve dans le troisième épisode déjà pour aborder cette fois-ci un sujet autre. On change, on n'est pas dans un thème, cette fois on est plutôt dans un pays. Dans un pays. Et quel pays Roman ? Alors un pays qui est frontalier au nôtre, mais ce n'est pas le pays de la pizza. Ce n'est pas le pays des strudels. Ce n'est pas le pays des falafels. Petite blague sur une erreur de ma part en antenne. Et non, on consacre ce pays à l'Espagne. Alors, Espagne, grand fournisseur quand même de cinéma fantastique, plus dans les années 90 et 2000 qu'aujourd'hui. Ça a un petit peu perdu en rythme. Toi, quelle est ta relation avec le cinéma fantastique espagnol ? Est-ce que tu as une relation proche ou pas trop ? Rec. Et à part ça ? Rec 2. Non, mais... Non mais globalement ouais le cinéma de genre espagnol c'est pas un cinéma que j'ai spécialement creusé. C'est un cinéma que j'aime bien, hein, foncièrement typiquement j'étais à la projection de Abuela par exemple où était présent Paco Plaza, le gars sûr. À l'étrange festival. Non pas à l'étrange. C'était pas à l'étrange. C'était la rediffusion des films de Gérard May à la Cinémathèque. Ah putain, ok. Voilà. Et Paco Plaza dont on va reparler aujourd'hui. Dont on parlera aujourd'hui évidemment. Parce que, du coup, oui, moi, mon rapport au cinéma de genre espagnol, ça se limite globalement à Rec, qui est un de mes films préférés. Le 1, ouais. Le 2 est cool, le 2 est cool. Le 2 est sympa. Après les suites, bref. Voilà. Et donc, oui, on parlait de Plaza, mais on a quand même du grand nom pour cet épisode-là, parce qu'on a, entre autres, quand même, dans ta sélection... Amenábar, De la Iglesia et Agustí Villaranga, qui est surtout connu pour un film, celui dont on va parler... Et toi, tu as... Et moi, dans ma sélection, bah, j'ai donc le moins connu, Paul Urquijo Alijo. On va l'appeler Paul. Paul. Paul. Non, et du coup, Balagueró et Plaza, mais pas pour Rec. Pas pour Rec. Alors, en ce qui me concerne, moi, le cinéma de genre espagnol, c'est vraiment un cinéma que j'aime énormément. C'est-à-dire que, pour beaucoup, c'est l'Italie, leur petit préféré du cinéma fantastique européen. Moi, j'avoue que c'est vraiment l'Espagne. J'y vois plus de... Je suis plus attaché à ce cinéma parce que c'est plus un cinéma que je trouve plus centré sur les émotions. Oui. Là, aux Italiens, c'est souvent... Je vais pas dire des bisseries, mais c'est souvent plus bis, on va dire, dans l'imagerie employée. Mais c'est vraiment un cinéma que j'aime beaucoup. Et j'avoue que c'est... Pour cet épisode, j'ai pas revu que les films dont on m'a parlé. J'ai également creusé un petit peu, vu toutes sortes de choses. Et ça a vraiment été un plaisir. Parce que c'est, sans trop en dire pour l'instant, sur 6 films au global... Pour moi, il y a, allez, 4 chefs-d'œuvre, un film qui m'a laissé un peu plus de marbre et un film que j'ai trouvé très intéressant. Et toi, sur les 6 films, pour l'instant, ça a été quoi ? Sans trop en dire. Sans trop en dire, disons qu'il y a un film que j'ai adoré. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Et après le reste, ça varie entre. C'est bien, mais pas ma cam, et c'est sympa. Parce que faut savoir qu'on ne s'est pas échangé les avis avant l'épisode, et que moi, sur ma sélection, c'est vraiment 3 films que je chéris de façon vraiment très intense. Et quand il me disait « j'ai vu les films », je me disais « j'espère qu'il a aimé ». Je te propose qu'on démarre tout de suite. On démarre, et ça va être l'inverse de l'épisode d'avant, c'est-à-dire que l'épisode d'avant, c'était d'abord mes 3 films, et après ceux de Corentin, parce que l'ordre de sortie voulait que. Là, du coup, c'est l'inverse. Ok, donc c'est moi qui vais démarrer, en commençant peut-être par la valeur choc de l'épisode. On va l'outer tout de suite, donc je démarre avec un film sorti en 87, qui est Tracel Cristal, donc Prison de Cristal en français, ou In a Glass Cage en anglais. Donc réalisé par Agustí Villaranga. Alors Villaranga, apparemment, il avait fait des courts-métrages, c'est son premier long. Il est surtout connu pour ce film. Il a également fait un film qui s'appelle El Niño de la Luna, qui a été présenté à Cannes en 1989. Il a remporté, pour lequel il a remporté le Goya du meilleur film, meilleur réal, meilleur scénar adapté. Enfin, pas pour celui-là, mais pour son autre film, Pas Negre, donc Pas Noir en français. J'ai vu aucun de ses autres films, j'ai uniquement vu celui-ci. Pour ce qui est du synopsis, alors je suis très très mauvais en synopsis, donc j'ai totalement pompé un synopsis internet. Je crois que c'est celui d'Halluciné. Donc un docteur nazi obsédé par les jeunes garçons est rongé par ce sentiment coupable et se jette dans le vide du haut d'un toit. Quelques années plus tard, alors qu'il est réduit à vivre attaché à un appareil respiratoire, une de ses victimes apparaît dans l'habit d'un infirmier. Alors. Avant de donner mon avis rapidement, au casting, on a Gunther Meissner, qui avait un petit rôle dans Charlie et la chocolaterie, mais la version de 1971. Ouais, ouais. dans le rôle du docteur nazi. On a Marisa Paredes dans le rôle de sa femme, qui elle pour le coup est un plus grand nom du cinéma espagnol, qui a joué dans All About My Mother, La Piel que Habito, ou Les Chiens du Diable, évidemment. Et on a David Soust qui joue le rôle d'Angelo, donc le... qui joue donc le rôle d'Angelo, qui on n'a jamais rien fait d'autre après. J'ai vu qu'il a joué dans El Niño de la Luna, mais on l'a jamais revu après. Ce qui est très dommage, quand même, au vu de sa performance. Donc, le scénario est assuré par Villaronga. À la photo, c'est un bonhomme qui s'appelle Jaume Pelacaula. Je crois que les chefs-op sur ce film vont être des longs moments de solitude. Qui a également assuré la photo de Moonchild. À la musique, on a Javier Navarrete. En revanche, là, c'est un nom beaucoup plus connu, puisque c'est le compositeur attitré d'El Toro. Il a quand même fait Les Labyrinthes de Pan, Les Chines du Diable. Mais également, c'est celui qui a fait la BO d'un film de Neil Jordan que j'adore, qui n'est pas La Compagnie des Loups. Est-ce que tu te sais lequel c'est? Je t'en ai déjà parlé. C'est un film de vampire. Ah, c'est Byzantium ? Ouais, Byzantium, ouais. Qui, j'adore la musique. L'histoire est inspirée de Gilles de Rais. Je reviendrai rapidement dessus, mais pour ça, si vous voyez, ça pose les bases de. Je vois qui est Gilles de Rais. Et pour rapidement la petite anecdote dessus, il faut savoir que ce film est considéré comme un des films les plus dérangeants jamais faits, et comme un des plus troublants sur globalement toute la période après franquiste, et qu'encore aujourd'hui, il est banni en Angleterre et en Australie. Voilà. Soit ! Et j'ai envie de démarrer sur Tracel Cristal. Vas-y, démarre. Parce que moi, c'est le film qui m'a démarré. Alors, Tracel Cristal, comment dire ? J'avoue que les mots vont être assez difficiles à trouver parce que, en fait, sans mentir, c'est un film qui m'a totalement traumatisé. Je l'avais déjà vu il y a peut-être 3-4 ans. Et j'avais déjà été bien, bien marqué quand même. Et là, en le revoyant, je me disais non, c'est toujours aussi horrible. Alors, en fait, ce qui est assez impressionnant avec ce film, c'est qu'il est souvent classé dans des tops de films de torture ou autres. Il est souvent comparé à Martyr ou à Salo, j'y reviendrai aussi. Oui. Et en fait, il mise tout sur une absence totale, sur une absence qui est totale d'image vraiment graphique, sur une économie de moyens. C'est vraiment au travers de l'écriture et de l'ambiance qui va être complètement. Et de la suggestion surtout. Et de la suggestion qui va être, on peut dire bouleversant, ouais. On peut dire marquant, on peut dire ultra glauque. Alors, l'avantage, c'est que dès la scène d'intro, il donne la note, hein. C'est-à-dire que c'est la scène d'intro. Bon, je démarre sans trop spoiler, mais globalement, on va spoiler comme des bâtards, hein. C'est sur tous les films. Hein, Spoilons. On va complètement divulgâcher. Divulgâchons. Et donc, c'est un corps d'adolescent, vivant, mort, on sait pas trop, qui est totalement nu, pendu au plafond. Un homme entre, le frappe violemment plusieurs fois et va se jeter dans le vide. Et Villaronga, il va clairement montrer ce qu'il veut démontrer ici, c'est-à-dire qu'il va montrer une horreur extrêmement frontale, extrêmement crue, il va rien épargner à son spectateur. Mais quand je dis ça, vous attendez pas forcément à un saut. C'est-à-dire qu'on est dans un film qui va en quelque sorte proposer les prémices du torture porn, tout en évitant tous les écueils de ce genre-là, en évitant toute imagerie graphique gratuite et un peu vulgaire, ne nous mentons pas. Vulgaire. Ah bah, saut à partir du 3, ouais, quand même. Faut que je travaille les couleurs, moi, sinon ça va rendre fin. Hein. On fera un épisode du Québec. Sur 1h50, parce que le film est long, il va déployer une histoire que je trouve être d'une noirceur absolue et totalement insondable. C'est-à-dire qu'en prenant la figure d'un médecin tortionnaire nazi, qui est quand même l'image même qu'on peut se faire du mal, tout simplement. Oui. Et en le plaçant dans le statut de victime face à ce jeune homme vengeur, le film va brouiller les repères, on s'enfonce dans des tréfonds de malaise et de choc dont on sait pas vraiment où le film va aller, mais il va jamais aller dans la complaisance, c'est ça aussi que je trouve absolument admirable, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, il va vraiment montrer des scènes extrêmement choquantes, c'est-à-dire, bon, comme on dit qu'on spoilait, Henri Bambel, on va quand même avoir Angelo qui va se masturber sur le nazi, un enfant à qui on va injecter un produit qui va le tuer, on va assister à une longue, très longue agonie ouais. De cet enfant avant qu'il se fasse trancher la gorge, on a un enfant qui va chanter dans une séquence absolument glaçante. Bref, sur le fond, je trouve le film absolument inattaquable en étant extrêmement radical dans sa proposition. Et faut savoir que sur la technique aussi, le film est difficilement prenable, c'est-à-dire que la photo est extrêmement froide et va accentuer vraiment le malaise qu'on peut ressentir en proposant des images sublimes. Je pense notamment à la dernière image de la jeune fille sur qui est absolument magnifique, avec des passages gothiques de Bon Aloi, qui moi en tant que fan de la Hammer, je vois ça, je dis « Oh, elle est sympa la maison, sympa, j'aime bien !» Après, le design sonore joue également pour beaucoup dans l'horreur qu'on peut ressentir avec vraiment qui va accompagner le fait de la suggestion qui va vraiment mettre en son finalement ce qu'on va pas forcément voir. Concernant la réalisation, c'est un premier film et c'est hallucinant. Ça va proposer une ambiance extrêmement intimiste qui va mettre l'accent sur toutes les horreurs que le nazi va ressentir en filmant ce nazi enfermé dans sa prison de cristal comme une victime, ce qui est vraiment dérangeant à ressentir. J'en parlerai après, mais ouais. C'est ça, je te laisserai dire juste après, et j'ai bientôt fini, t'en fais pas. Villaronga, je trouve que pour un premier film, il fait preuve, il y a pas mal de premiers films dans la section, mais je trouve qu'il fait preuve d'une maturité extraordinaire vis-à-vis de sa réalisation, avec plusieurs idées que je trouve assez barges, comme le miroir au-dessus du nazi, qui va vraiment littéralement lui donner le reflet de ses horreurs. Les éclairages de la maison qui vont basculer, un peu à la De la Morte et de la Morée, vont faire basculer un endroit de confort sympathique à un truc absolument glaçant. Enfin, en conclusion, c'est vraiment un film extrêmement déstabilisant qui va offrir une expérience qui confronte à une horreur très humaine, très terre-à-terre, mais qui le fait avec une grande habileté en évitant vraiment toute complaisance. Je me répète beaucoup, mais ça... C'est vraiment pour mettre l'accent le fait que, malgré le fait que ce soit un film de torture, c'est pas un truc à l'assaut, c'est pas un truc à la hostel, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus insidieux, beaucoup plus glauque. Je trouve absolument inattaquable sur sa forme, surtout pour un premier film, et d'une grande intelligence. J'ai vu plusieurs comparaisons avec Salo et les 120 jours de Sodome, que dans sa démarche de montrer la monstruosité de façon extrêmement frontale, c'est valable, mais je le trouve encore différent parce que je trouve qu'il va un cran plus loin en étant beaucoup plus froid dans ce qu'il propose. Bah, surtout qu'il est beaucoup moins... Il est beaucoup moins frontal dans ce qu'il montre que Salo. Oui, c'est vraiment... Vous attendez pas à des éclats de sang ou autre, mais c'est beaucoup plus malsain, je trouve, que Salo. Parce que Salo a un côté frontal qui fait qu'il va assumer de te montrer la monstruosité. Là où Tracel Cristal ne va rien te montrer. Enfin, ne va rien te montrer très frontalement, en tout cas, et ce qui donne un côté horrible. Je trouve notamment le jeu avec la petite fille. Je trouve que ça donne une horreur à ce film qui est très très dur à voir. Donc, en ce qui me concerne, Prison de Cristal, je trouve que c'est un film qui... il peut dérouter. Un peu. Non mais je veux dire, au-delà de ce dont il parle, sur la forme, je veux dire, c'est quand même un film qui est très contemplatif, assez lent. Ouais, je dirais pas contemplatif, mais je dirais introspectif. Ouais. C'est vraiment ce film centré sur la relation entre le tortionnaire nazi et le jeune homme. C'est ça. Mais du coup, ouais, ça peut dérouter par ce rythme très lent et par les sujets qu'il aborde, donc aussi. Donc, ouais, avec notamment la pédophilie. Trigger warning, pédophilie, nazisme, c'est tout. Torture, bref. Voilà. Ouais, c'est beaucoup. Donc, c'est un film qui est quand même suffisamment vicieux pour nous faire essayer d'avoir de l'empathie. Pour un médecin tortionnaire nazi. Voilà, c'est quand même ultra. Enfin, c'est. Il faut pas. C'est vraiment difficile. Hein, c'est ouais, c'est parce que ça te le place, bah, comme tu disais, en position de victime pendant tout le film. Mais le film te rappelle quand même à plusieurs moments les actes qu'il a commis, notamment quand Angelo lit l'espèce de journal intime du. C'est la scène où il se masturbe sur, Nazi. Le journal intime du pédo nazi là. Pour illustrer concrètement, le médecin nazi est allongé dans son appareil respiratoire et Angelo qui a récupéré le journal des actes de ce nazi lui lit un passage où le médecin nazi s'est masturbé sur un jeune homme qu'on comprend être Angelo tout en se masturbant lui-même. Difficile. Voilà, et donc il y a aussi le moment où par exemple il a tué la femme la femme, et il met le cadavre de la femme du nazi. De la femme du nazi sur l'appareil respiratoire pour que le gars regarde le corps de sa femme toute la nuit. Ouais, c'est vicelard. C'est vraiment ben typiquement, si c'est un film où quand vous le terminez, c'est pas la sérénité qui domine. C'est ça, ou même les moments par exemple où bah comme t'en parlais, mais les quand Angelo ramène des petits garçons pour leur faire ce que c'est Klaus, c'est ça? Klaus, ouais. Ce que Klaus leur faisait, ce que Klaus faisait aux petits garçons, c'est il le confronte aux horreurs qu'il a lui-même commis. Donc, c'est vraiment un film qui te dit ce mec-là est une ordure totale. Une ordure finie, ouais. Et il est en train de vivre ce qu'il faisait subir aux autres. Enfin, il est en train de vivre ce qu'il faisait subir aux autres. Est-ce que tu es capable de le prendre en pitié pour ça? C'est ça. C'est... Toute réponse logique est non, évidemment. Mais le film arrive à être suffisamment... Vicelard. Malsain pour te pour quand même que tu te poses la question. C'est ouais. ça que je trouve. Ouais, mais non, pas. À la base, moi, j'avoue que plusieurs fois, je me disais, mais non, mais en même temps, t'es vite rattrapé par son statut de nazi, médecin, qui a visiblement pris plaisir à ce qu'il a fait. Il a pas oui. l'air d'éprouver du regret. Pour ça, la performance de l'acteur, qui, enfin, la performance de Gunther Meissner en médecin nazi, je la trouve hallucinante parce qu'il a jamais. Tu sais jamais s'il est dans le regret ou dans le plaisir de revivre ce qu'il fait. C'est vraiment difficile à regarder. Quoi. C'est... Ouais, c'est très très dur à voir. Et sur un point de vue technique, il y a beaucoup de scènes, notamment bah, toutes les scènes dans la chambre, bah, dans la pièce de la prison de cristal, où il y a un travail sur la lumière qui est magnifique. Tombé par terre. C'est... Et aussi, on parlait du nazi, mais du coup, Angelo aussi. Angelo qui, du coup, par son statut d'ancienne victime, on a tendance de base à le prendre en pitié quand on le rencontre pour la première fois, mais quand on voit ce qu'il fait après, c'est juste horrible. C'est absolument glaçant. C'est... Mais du coup, ça te fait que tu peux prendre personne en pitié. C'est noir. Ça va être une récurrence dans mes films, c'est des films noirs ouais. et globalement désespérés. Mais non, c'est... Enfin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment... C'est tout ce que le cinéma d'horreur peut dire sans montrer. Je trouve que tout est là et je trouve ça... Surtout pour un premier film, je trouve que c'est maîtrisé, mais à la perfection. Ouais. C'est... Alors, en ce qui me concerne, du coup, j'ai été quand même très conquis par ce que le film propose visuellement, notamment sur le travail des lumières. Mais bah déjà, il y a le rythme qui m'a laissé quand même un peu en dehors. J'avoue être assez sensible au rythme. Et quand c'est plus tranquille, c'est moins ta cam. Un peu. Pas toujours, mais... Faut qu'il y ait autre chose, quoi. C'est ouais, je sais que c'est pas très constructif de dire ça, mais... Non, bah, après, c'est pas grave. Chacun a sa sensibilité. Et je sais que moi, pour le coup, je suis très sensible à ce genre de film qui va... prendre le temps d'installer une atmosphère et vraiment une angoisse latente avant un final qui est ignoble. Oui. C'est pour le coup, le final, je vais pas le spoiler, la fin d'un personnage, mais qui est peut-être une des scènes que juste tu te dis mais non, et il le fait. C'est glaçant, et pour moi, toute la construction m'a embarqué. Après, c'est vrai qu'il dure 1h50 et faut pas s'attendre à un saut. Ouais. Le problème, c'est que les comparaisons à saut sont valables dans le principe de torturer quelqu'un, mais ne sont pas valables en même temps dans le fait que la torture n'est pas un payoff. La torture n'est pas le climax du personnage. Ouais. Et aussi ce qui a un peu fait que j'ai moins accroché au film et que ce qui va avec le rythme, c'est que t'es constamment dans ce même décor de la maison qui certes du coup t'étouffe comme serait étouffé ben justement Klaus dans sa prison de verre. C'est sûrement, enfin c'est le but du film, mais c'est pas un truc que personnellement je recherche forcément. C'est pas un film qui met à l'aise. Hein. Oui, non, c'est sûr. Je pense que le film ne veut pas ton bien quand tu le regardes. C'est sûr. Donc moralité, ne soyez pas pédonazis et ne regardez pas ce film si vous êtes sensible sur ces sujets-là. Voilà. Globalement, c'est voilà. Parce que c'est à nouveau, c'est je remets vraiment une couche dessus, mais c'est pas un film à mettre devant tout le monde. C'est vraiment un film qui met ultra mal à l'aise et je pense que de toute la sélection, pourtant on a quand même des trucs un peu après, hein. Mais c'est le plus dur à voir. Pour moi, ça a été le plus dur. Je l'ai vu un matin, tout le reste de la journée, j'étais déprimé. Hein. Tout le reste de la journée, j'étais genre. Ouais, c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. T'as fini sur Tracer le Cristal ? Bah, il y a du coup aussi. On va introduire une section. Dès qu'on parlera d'un film, on va dire. Où le trouver ? Où le trouver, voilà. Donc, si vous avez un VPN ou si vous nous écoutez des États-Unis déjà, merci. Et donc, il est disponible sur la plateforme Tubi. Donc, c'est une plateforme qui. Gratuite, qui en échange de pub vous permet de voir pas mal de films gratuitement. En échange de pub, 5 minutes toutes les heures, ça va. Hein, ça va. Il a été distribué en France, je crois. Alors, donc j'y viens. Juste, sinon, il est disponible sur le Prime Video espagnol. Ok. Et en France, et en Allemagne d'ailleurs, il est en location et à l'achat à la Cinéthèque. Et j'ai trouvé un DVD français. J'ai vu qu'un DVD français est sorti, mais qu'il est trouvable d'occasion globalement. Et sinon, il existe un Blu-ray donc, qui est seulement sorti aux US et au Canada. Blu-ray, vous pouvez d'ailleurs trouver les trois premiers courts-métrages de Villaranga. Ouais, Villaranga, ouais. donc il a fait avant de faire Tres el Cristal, donc voilà, vous pouvez... Si ça vous tente, ouais. On passe déjà au film suivant. On passe au film suivant. Alors, on continue sur le mien, on est passé assez rapidement sur Tres el Cristal, parce que j'avoue que c'est vraiment un film qui se regarde, qu'on se mange en pleine gueule, plus dont on va parler, mais je pense que ça va être assez amusant sur les suites. Alors, donc on passe au film suivant, donc... On reste sur un auteur ô combien important pour le cinéma espagnol, donc pour le cinéma fantastique espagnol spécifiquement, avec Alex de la Iglesia. Alors, je n'ai pas pris son film le plus connu, qui est, je pense, El Día de la Bestia. Oui. Je n'ai pas pris le film, un des films les moins connus que je pense préférer de lui, qui est Perfect Strangers. Mais j'ai pris Perfect Strangers, il y a Eduardo Noriega, dont on va reparler après, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et j'ai pris mon film préféré de lui, qui est Perdita Durango, ou Dance with the Devil en anglais. Donc, on passe 10 ans plus tard, on est en 97, c'est un film mexicano-espagnol. Pour ce qui est du résumé, alors je suis très mauvais, et pour résumer ce film, bon courage. Donc j'ai à nouveau pompé complètement le synopsis à le ciné. Donc, c'est la rencontre de Perdita et Roméo à la frontière mexicaine, qui marque la naissance d'un couple particulièrement diabolique. Embarqués dans une cavalcade explosive mêlant kidnapping, santeria et trafic de fœtus, ils roulent vers Las Vegas et rien ne pourra les arrêter. Je dois admettre que le CDM6 m'a fait suffisamment rigoler pour que je me dise « vas-y, je le prends ». Donc, rapidement, au casting, on a Rosie Perez, qu'on avait vu dans un petit rôle dans Birds of Prey, qu'on avait vu chez Spike Lee dans Do the Right Thing. Ah putain, c'est la commissaire, ouais. Oui. Dans Birds of Prey. Putain. On a Javier Bardem, bon, j'ai pas besoin de le présenter, voilà. No Country for All Men, Skyfall. Mara Dentro de Amenabar. Son meilleur rôle. Je reviendrai sur Amenabar plus tard, mais meilleur rôle. On a également James Gandolfini, qui est surtout connu pour Les Sopranos. Bref, voilà. C'est écrit à plusieurs mains, c'est écrit par des collaborateurs réguliers de... par le collaborateur régulier de La Iglesia, qui s'appelle Jorge Guericaechevarria. Je vais pas redire son nom, mais on va l'appeler Jojo. On va l'appeler Jojo, il a bossé avec De La Iglesia sur El Día de la Bestia, The Bar, Perfect Strangers, dont je parlais juste avant. De La Iglesia a participé, David Trueba, qui est un scénariste espagnol qui est globalement reconnu pour des films comme... je vais le retrouver. Vivir es fácil con los ojos cerrados, que je sais être un film très populaire en Espagne, que je n'ai pas vu, mais que c'est prévu que je vois. Bref, le film est basé sur le roman 59 Degrees and Raining, The Story of Perdita Durango. Qui s'appelle juste Perdita Durango en français, d'ailleurs. Ouais, bah, j'ai un accent anglais horrible. Qui est écrit par Barry Gifford, qui a aussi participé rapidement à l'écriture, qui est également écrivain de la saga Sailor et Lula. Sailor et Lula. Je pensais que tu l'avais vu. Oui, non, mais il fait partie de la saga Sailor Lula. Il fait partie de la saga ? Oui. Pour le coup, j'avais juste vu que c'était écrit. Hein. Alors, donc, à la photo, rapidement, on a Flavio Martinez Labiano, qui a à nouveau fait El Día de la Bestia, qui a également fait Los Cronocrimines de Nacho Vigalondo, qui est un film que j'aime beaucoup. Il s'appelle Nacho déjà, c'est... Voilà, alors il faut savoir que le projet est d'abord passé chez Bigastuna, réalisateur de Angoisse. Ouais. À la base, au casting, il avait pensé à Madonna et Javier Bardem. Ensuite, ça a été Johnny Depp et Ray Liotta qui ont été envisagés. Puis Bigastuna s'est cassé, De La Iglesia est arrivé, et est arrivé avec le casting actuel. Faut savoir également que le film a connu beaucoup de montages différents, dont je reviendrai plus tard sur cet élément. Je te laisse démarrer sur Perdita Durango. Alors juste un truc, donc la saga littéraire Sailor et Lula, donc c'est 4 opus, c'est Sailor et Lula, Perdita Durango, Les Sultans d'Afrique et Jour de chance pour Sailor. Ouais, Jour de chance pour Sailor qui est le seul que j'ai lu. Ok. Voilà. Je te laisse démarrer sur Perdita Durango. Perdita Durango, alors... Globalement... Vous voyez cet enfant des amis de vos parents que ses parents qualifient d'hyperactif et que vous qualifiez juste de taré. C'est ce film. C'est ce film. c'est l'enfant, genre, va jouer avec le gamin et lui il est en train de manger de la terre en tuant des insectes. Tu vois, c'est lui. Voilà, c'est Sid dans Toy Story, il est en train de cramer les jouets à la loupe, enfin bref. C'est lui. La phrase d'intro de mon truc, c'est juste film fou, enragé, mal élevé, violent et sexuel. Voilà, donc en ce qui me concerne, c'était ma deuxième approche au cinéma de La Iglesia après Le Jour de la Bête, que j'ai vu pour l'horreur de festival. Suivez l'horreur de festival. Que je trouve être un... J'adore aussi El Día de la Bestia. J'ai longtemps hésité à le prendre, mais je me suis dit, quitte à prendre un De La Iglesia, prends ton préféré et prends un qui est peut-être un peu moins mis en avant. Ok. Ah bah attends, c'est aussi lui qui a fait... Attends, je suis débile. Balada Triste des Trompetta. Balada Triste tout court. Je crois que le titre original, c'est Balada Triste des Trompetta. Tu l'as pas vu? J'ai le DVD, parce que Mad Movies, mais... Qui est aussi un film qui est fantastique, Balada Triste, qui est génial. Que j'ai pas vu, du coup. Mais donc, De La Iglesia, après, je connaissais... j'avais vu certaines de ses productions, comme Elementary, dont on parlera plus tard. Voilà. Ou La Piedade de Eduardo Casanova. Je l'ai pas encore vu, lui. Je sais qu'il est en tournée des festivals en ce moment. Bah, je l'ai vu en fest et... Il est bien. Le réel a l'air d'être un sacré connard. Ah putain. Et il était là à la projection, donc ça a pas aidé. Pourquoi un sacré connard? Tu peux en parler, vas-y. Tu peux exorciser. Non, disons que j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard. Mais voilà, mais donc, pour revenir à Perdita de Rango, donc c'est un peu une suite spirituelle au Cellarella de David Lynch. C'est la suite spirituelle hyperactive et sous coke. C'est ça. parce qu'on trouve le personnage de Perdita dans les deux films. Mm-hmm. Et qu'il y a l'aspect road movie et cavale, sauf que dans Perdita, tu suis vraiment les psychopathes. C'est-à-dire que Sailor et Lula, j'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs, tu suis plus une espèce d'histoire d'amour tranquille. Bah, tu suis une histoire d'amour où t'as juste la cavale de Nicolas Cage. Ouais. Alors que là, tu suis juste la cavale de deux énormes tarés qui ont des petits problèmes de couple. Voilà. Et à nouveau, si tu veux divulgacher, fonce, fais-toi plaisir. Donc voilà, donc on suit juste un couple de criminels qui hésite pas à. Bah, à voler, à kidnapper, à violer, à sacrifier. À danser de façon étrange. Voilà, sacrifier au sens de sacrifice rituel. Hein. Fait par Javier Bardem en slip. Si ça, ça vous a pas donné envie. C'est quitte à avoir des acteurs en slip, voyez Dune. Oui, Sting en slip, c'est toujours quelque chose qui vaut le coup. Voilà. Et Sting dans Kaamelott, le film. Il a un accent rigolo. Oui. j'adore Kaamelott le film. Donc voilà, donc pour des rituels chamaniques, tout ça, donc qui pousse encore une fois à dire que visiblement la religion c'est vraiment pas Jojo. Et on reparlera de la religion quand on parlera d'Elementary. D'Elementary, ouais. et de Véronica. Véronica aussi, ouais. Mais donc le duo principal fonctionne vraiment, notamment l'alchimie dans le crime, pas forcément dans le couple, mais l'alchimie dans le crime. Même l'alchimie dans le couple, hein. T'as quand même genre la scène dans le désert. Où tu sais, bah, ça se bat et la seconde suivante, ça. Bah, ça baisse concrètement, ça baisse totalement. C'est... Voilà, mais qui fonctionne aussi avec le charisme, notamment de Ravière. J'avoue que pour le coup, j'ai une petite préférence pour Rosie Perez quand même. Ah ouais, je la trouve fabuleuse dans le rôle de Perdita. C'est pas un rôle facile, c'est vraiment pas un rôle facile, et je trouve qu'elle s'en sort parfaitement. Ouais, mais Ravière. Bah, Javier Bardem, il a un rôle qui est plus unilatéral. C'est-à-dire, Javier Bardem, tu le rencontres, il est déjà présenté comme un psychopathe. Là où, Perdita Dulango, tu vois que. Elle est sur cette limite très fine, entre complètement psychopathe à la tueur-née et en même temps quasiment insouciante, je trouve. Ouais. Même si l'insouciance disparaît peu à peu, quand même. Donc, faut dire que le film est quand même très très bien mis en scène, hein, De La Iglesia. C'est pas un manche. Voilà, c'est pas Joël Clodo. Il s'est quand même manipulé sa caméra. C'est ça, donc je pense notamment aux scènes de trans chamanique de Roméo, donc qui est joué par Javier Bardem. Qui sont magnifiques. Qui n'ont aucun sens, mais qui sont géniales. Tu es dans l'état de Roméo quand tu regardes le film. C'est ça. Ou même juste la tension sexuelle entre Perdita et. J'allais dire Perdita et Roméo, mais Perdita et Dwayne, surtout. Perdita et. Tous les personnages du film. Non, mais c'est vrai qu'il arrive bien à retranscrire cette espèce d'énergie sexuelle très étrange que Perdita arrive à avoir chaque personnage sans tomber dans un côté graveleux qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire que. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais. Bah si, je veux le dire. Mais tu vois, Call Me By Your Name, que moi je trouve être un très mauvais film. Moi aussi. Mais tu vois, il veut donner une tension sexuelle entre les personnages, mais je trouve que dans le film, c'est ultra graveleux. Et vraiment, c'est pouf, pouf. Je pense à la scène de la pêche. Que je comprends pas comment les gens y voient un chef-d'œuvre. Moi, quand je la vois, je me dis juste, déjà, de un, c'est dégueulasse. Et de deux, c'est vraiment, je trouve ça gras. Là où là, c'est beaucoup plus frontal dans ce que ça a montré sexuellement parlant. Je te laisse parler du double viol. Je te laisse en parler. Tu noteras comme je te donne le paquet. Hein. C'est toi qui gères ce truc. Non, mais du coup, on disait que De La Iglesia, ça allait très bien mettre en scène des scènes complètement folles. Mais il y a du coup la scène où Roméo viole. Comment s'appelle ce personnage Tu cherches le nom, le personnage Estelle, voilà. Qui est, mais... extrêmement dur à voir. Ouais, mais en même temps, bah t'as en parallèle le viol de Dwayne par Perdita. Oui, T'as un double viol c'est et ça. t'as un côté en même temps super malsain, mais qui est entre guillemets supportable. Je sais pas comment dire. Supportable, j'ai non, je C'est difficile, non mais j'irai pas, non, je dirais pas difficile ça. à voir, mais pas complaisant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que il va pas, il te le montre très frontalement, mais il va pas s'attarder. Tu sens que il va pas chercher à te donner du plaisir en le montrant. Non, Là non, où bah d'autres encore films heureux, hein. sont plus flous là-dessus. Je me suis refait il y a pas longtemps Bad Guy de Kim Ki-duk. Ah, mais Kim Ki-duk, Ouais, le point de vue de Kim Ki-duk sur ce genre de relation est plus flou quand même. C'est plus compliqué. voilà, mais donc oui, il y a cette scène-là, et donc qui est, mais, insoutenable, hein, enfin, je veux dire, Ouais, non, il y en a des compliqués quand même. c'est surtout tout l'avant, quoi, surtout pour Roméo et Estelle. Ouais, bon, ouais, j'avoue, ouais, Roméo, c'est compliqué à gérer quand Oui, non, cette scène-là, est quand même très dure à voir. même. Et il y a toute l'ambiance qui va avec, toute l'ambiance très poisseuse, très C'est un mexicaine et film texane. crade, hein, C'est c'est. ça. Si vous voyez la première heure de Une nuit en enfer. C'est à peu près ça, mais en plus crade. Mais il y, y a ce côté-là, ce côté terreux. Avec la poisse de Massacre à la tronçonneuse un peu. Bien vu, j'avais pas vu mais il y a un côté Massacre en sauce dans le côté très terreux, Ouais. très vraiment sale, mais pas sale ambiance, mais juste sale générale du film. Enfin, j'en parlerai plus tard lorsque j'ai écrit un petit truc dessus. Mais donc oui, et pour parler un peu personnellement, c'est vraiment un très bon film, mais qui, pareil, Peu m'a un peu désarçonné. désarçonné, m'a un petit peu laissé sur le côté, mais moins que Prison Cristal quand même. Bah, il est plus abordable parce que plus fun. Plus fun entre guillemets, plus rythmé. Ouais, Ouais, t'enlèves les scènes de viol, c'est vrai. Plus rythmé, on va dire. c'est ça. Et oui, il y a tout ça. Et je tiens à faire un petit big up à un personnage, donc qui est leur pote Renoir, Ouais. qui déjà s'appelle Adolfo, Ouais, ça, il s'appelle Adolfo, oui, c'est vrai. qui à chaque fois me Écoute. fait penser au prénom. Parce Oui, qu'en fait, quand oui, oui, c'est oui. le prénom, c'est Babou, tu dois débaptiser ton chat. Il s'appelle Polo, pas Paul. Oui, enfin, est-ce que j'ai droit à Adolfo, moi? Non, pas à côté, voilà. Oui, voilà. Et qui, juste en VF, est joué par Benoît Hamel, la VF de Morgan Freeman, Ce qui ne se refuse et pas. de Jean-Louis Lachaussette, chez Jean Dugrenier. Ce qui ne se refuse jamais. Voilà. Mais donc, voilà. Et où est-ce qu'il est disponible? Eh ben, sur Shadows. Ouais, il est dispo sur Shadows et Et il y a dans un un très beau combo coffret. 4K Blu-ray, Chez la. chez Extra Lucid Film. Extra Lucide, ouais, j'ai hésité entre l'atelier et Extra Non, Lucide, non, c'est c'est. Extra Lucid. Voilà. Je fais mes Alors, recherches aussi, je fais mes recherches. je suis très fier de toi. Alors, moi, rapidement, pour essayer d'être rapide et assez concis, je trouve que l'énergie qui s'en dégage, elle est à la fois sensorielle et visuelle. C'est-à-dire vraiment, visuellement, c'est un film qui marque. Ça va pas proposer des images aussi transcendantes que Prison de Cristal, ou aussi travaillé, on va dire, mais c'est des scènes, des moments entiers qui vont rester vraiment gravés aux rétines. Il y a une mise en scène, tu en as parlé, mais de fou furieux, il n'y a pas une scène, je crois, où il n'y a pas un mouvement de caméra. Et si jamais il y a un mouvement de caméra, vous pouvez être sûr que ça va être suivi globalement d'une scène violente. Il y a même l'histoire témoigne du mouvement, vu que avec le fait que c'est un road trip. Il y a un mélange des genres que je trouve être très subtil, mais en même temps extrêmement habile. Qui se fait avec en même temps une grande finesse, en même temps une transition qui peut parfois désarçonner, c'est-à-dire que c'est à la fois un vrai film d'amour entre Perdita et Roméo, une comédie noire avec des scènes, bon, faut avoir un sens de l'humour assez perché, mais qui peuvent faire rire, et en même temps un pur film d'horreur, c'est-à-dire que la fin, bon, ça se pose là. À nouveau, la scène de viol où c'est quand même un double viol qui est compliqué, et c'est vraiment un film que je trouve inclassable. C'est-à-dire, tu me demandes de le ranger dans un genre, je me dis, c'est un peu film d'horreur, c'est un peu comédie noire, tu sais pas trop. Un peu road movie. Si jamais je peux donner une comparaison, alors, si je veux aller sur l'écriture très rapidement, si je peux donner une comparaison, le plus évident, ce serait Devil's Reject. Oui. Devil's Reject. Mais c'est un peu une sorte de Devil's Reject avant l'heure, mais en mieux, que je trouve, parce que encore plus ambigu. Parce que là où Devil's Reject va poser d'emblée ses personnages comme des salopards, ce que la Maison des Mille Morts aura participé à faire, celui-ci va démarrer en suivant Perdita, qui est une sorte de Calamity Jones hardcore. Jane. Calamity Jane, pardon. Ouais. Elle est. Tu sens qu'elle est un. Tu sais pas trop ce qu'elle fait, un peu perdue à moitié dans la vie. Jusqu'à ce qu'elle va rencontrer Roméo, au nom de famille, Roméo Dolorosa. Juste ça, je pense. Voilà. Juste ça, ça fait de lui quelqu'un de cool. Et c'est là, globalement, le début d'une idylle trash, où on va les voir s'enfoncer dans de la noirceur et du sadisme. Alors là, si vous voulez voir de la saloperie, allez-y. C'est pas ultra gore, mais ça sait distiller ses effets efficacement, on va dire. Et pour moi, sincèrement, je trouve que pour moi, ce film, c'est un chef-d'œuvre aussi. Je sais que je répète pas mal ça, mais c'est vraiment un film neuf que je trouve extrêmement importante. Eh, mais j'ai hâte de voir si tu penses du suivant. Ah, mais alors là, ça va être difficile à trouver. Mais je pense que c'est pour moi une des œuvres les plus importantes, en même temps les plus viscérales de Alex de la Iglesia. Tout simplement parce que chaque personnage semble fou, et chaque acte qu'ils font semble à la fois mené à la fois par leur pulsion et en même temps par une raison qui leur est propre, qui nous surprend, mais qui, moi en tout cas, arrive à m'embarquer dans une espèce de road trip fou, et vraiment c'est un film que j'encourage à voir. Ça peut désarçonner par son ambiance générale, à nouveau cette espèce de mélange des genres qu'il propose, mais, et à nouveau pour quand même une scène de viol qui est assez compliquée, mais c'est vraiment une expérience que j'encourage à tenter, et c'est, à nouveau je répète, mais pour moi un vrai chef-d'œuvre. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'on passe au film qui... dont il va être très compliqué pour moi de parler? Ouh, Atchoum. On peut passer au film suivant. On peut passer au film suivant. Alors, c'est un film qui est extrêmement important pour moi. Ça va être un peu dur pour moi d'en parler. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais bon, j'ai écrit un truc en tout cas. Et c'est également l'occasion pour moi de parler d'un auteur qui compte énormément pour ma cinéphilie, et vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué au travers de ses œuvres. Donc c'est Alejandro Amenábar. Et le film que j'ai choisi, j'ai longtemps hésité entre Thésis, Mar Adentro, Ouvre les yeux, même Agora. Les autres. Les autres aussi. Les autres, qui est moi, je suis pas sûr que les autres soient espagnols. Lui est espagnol, mais je pense que les... Tiens, pour moi, c'est vraiment Thésis, Mar Adentro et Agora. Enfin, et Ouvre les yeux. Et j'ai tout simplement... Pour moi, les autres, c'est américain, tout simplement, parce qu'il a été fait grâce à... Venice Sky. Ok. Et... c'est vraiment... Coprod, Espagne, USA, France, Italie. Ouais, bon, il y a des fonds américains. Et alors, donc j'ai choisi de parler... Je me suis dit que j'allais aller sur mon préféré, sur un des films qui, je pense, m'a le plus marqué de toute ma cinéphilie, qui est donc Abre los ojos, Ouvre les yeux en français, qui est sorti en 97, même année que Perdita Durango. Donc pour ce qui est du synopsis, alors à nouveau, merci à le ciné. César, un jeune homme de 25 ans, est enfermé dans une unité psychiatrique carcérale. Un psychiatre l'aide à prendre connaissance des circonstances qui l'ont amené à commettre un meurtre. Le récit de César fait peu à peu apparaître de graves confusions dans sa perception de la réalité. Désespéré, il met en doute son équilibre psychique et imagine être victime d'une vaste machination. Alors, à la réalisation, on a Alejandro Amenábar, qui est un réalisateur que je vénère, qui a réalisé donc son premier film, qui était Thésis, qui est sorti un ou deux ans avant, qui était un film d'horreur autour des Snuff Movies, qui était extrêmement malsain. Il a également réalisé Agora, qui est une merveille, qui est sorti dans le milieu des années 2000, Mar Adentro, avec Javier Bardem, dont je parlais avant, bref, les autres. Au casting, on retrouve Eduardo Noriega, qui est un acteur qu'on a un peu perdu, que j'aimais beaucoup, qui jouait dans Thésis, qu'on a retrouvé dans Les Chines du Diable, que j'ai vu récemment dans Le Dernier Rempart, mais qui après, bon... Il a aussi joué dans La Marque du Diable de Diego Cohen, que j'avoue avoir pris mais comme un coup de couteau dans le cœur. C'est très dur à voir, ça. Bah, Diego Cohen, hein. Voilà, on a Romina. Également... Penélope. Penélope Cruz. Donc Volver, Vicky Cristina Barcelona, Dolor et Gloria, bref, on va pas tout faire. Pirates des Caraïbes 4. Bref. Globalement, Pedro Almodovar. Globalement. Voilà. Au scénario, c'est Amenábar et Matteo Gil, qui est un scénariste récurrent de Amenábar, qui l'a aidé sur Thésis, Mar Adentro, Agora. Il a aussi réalisé quelques films. À la photo, c'est Hans Burman, qui a surtout réalisé la photo de Thésis. Hans. La photo est composée, enfin, la musique est composée par Amenábar, et je vais vraiment y revenir. À savoir que le film a eu un remake, dont je parlerai plus tard, un remake qui s'appelle Vanilla Sky, qui est réalisé par Cameron Crowe avec Tom Cruise, Penélope Cruz qui reprend son rôle, ouais. Et Cameron Diaz, ouais, c'est je ça, crois. Cameron Diaz et Kurt Russell. Kurt Russell, ouais, un bon casting. À la photo, je crois que c'est John Doyle, il me semble. Mais c'est bref, en tout cas, c'est pas un film qui se fout de ta gueule. Faut savoir que Ouvre les yeux a été un carton total en Espagne. Il a été nommé plus de 10 fois au Goya, il a été ultra rentable, bref. Voilà, alors, Ouvre les yeux, j'avoue que ça va être très difficile pour moi de parler de ce film, parce que c'est un film qui a été une baffe monumentale quand je l'ai découvert, et chaque revisionnage n'a fait que, globalement, confirmer ce statut. Donc c'est... Comment dire, j'ai pris mes notes, je vais essayer de m'y fier. Donc c'est vraiment un récit qui est noir et ultra désespéré, en même temps qu'il est extrêmement beau. C'est l'histoire de César, donc prisonnier de son propre esprit, qui transforme à la fois son rêve en cauchemar. Et je vois dans ce film une maturité absolument hallucinante. C'est le deuxième film de Amenábar qu'il a réalisé quand il était encore dans sa vingtaine. Et que ce soit dans l'écriture, la mise en scène, la direction d'acteur, l'ambition, l'ambiance, je trouve que chaque aspect est maîtrisé à la perfection. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est le jeu d'acteur de Penélope Cruz et Eduardo Noriega, qui est absolument délicieux à voir. Le film qui démarre quasiment comme une comédie romantique entre les deux. Et qui fait une écriture si naturelle, si fluide, qui fait que leur relation paraît vraiment évidente, et l'alchimie entre les deux est absolument parfaite. Mention pour la scène entre où César va chez elle pour la première fois, ça, c'est si doux, si c'est évident en fait. Je vois personne d'autre que pour jouer ces rôles-là. C'est vrai, non, mais c'est vrai, ils ont une alchimie qui est folle. L'écriture de chaque personnage arrive, je trouve qu'elle est en même temps d'une finesse absolument dingue, et en même temps, elle parasite pas le récit, elle fait pas surcharger. Elle leur donne vie avec des éléments tout simples, et en même temps si évidents. C'est-à-dire, il y a Sophia, qui est la fille parfaite, spontanée, gentille, qui est le rêve inatteignable de César. César, qui est le playboy absolu, qui joue avec les femmes jusqu'à le moment où il va rencontrer Sophia, qui va le mener à sa perte. On va complètement divulgâcher, hein, pour le coup. C'est un film qui a un twist très important, et on va le spoiler comme des sagouins. Divulgation. Ah, mais divulgation complètement. Même à côté de ça, je veux dire, t'as Pelayo, qui est le meilleur ami de César, qui est toujours dans l'ombre, condamné à être le second. Noria, qui est la femme folle amoureuse de César, qui va préférer mourir que de le perdre. Bref, le psychiatre de César, même, qui a une vie parfaite. Tout tourne autour de César, et chaque acteur est parfait dans le rôle, avec une performance qui est ultra juste, ultra touchante. Même le psychiatre, qui a un rôle plus secondaire, je le trouve hallucinant dans son rôle. Je veux vraiment mettre l'accent, personnellement, sur Eduardo Noriega, que je trouve incroyable dans le film. C'est vraiment pour moi un acteur qu'on a perdu, c'est-à-dire que dans Thésis, il est ultra flippant. Dans Thésis, il a un rôle vraiment glauque. Il faut que je vois Thésis. Ouais, vraiment, c'est un excellent film, Thésis, hein. C'est un chef-d'œuvre, je trouve aussi. Les Chines du Diable, il avait aussi un rôle plus touchant, plus doux, je trouvais. Après, dans Le Dernier Rempart, il était rigolo, mais bon, voilà, quoi. Bref, tout autour de César, et le scénario du film va questionner les thèmes du rêve, de l'identité et de l'amour, en posant une question qui est en même temps si simple, mais je trouve pas la réponse aussi évidente, qui est: est-ce que tu préfères vivre une histoire d'amour parfaite, mais fictive, ou est-ce que tu préfères te confronter à une vie bien réelle, mais dans ce cas-là, tu dois affronter toutes les difficultés qui vont avec? Et je trouve qu'il n'apporte pas de réponse, ce qui est une preuve de recul, puisqu'il va pas juger ses personnages à travers le film. Tout l'ensemble. Il apporte une réponse à la fin avec... Il donne une réponse, mais il ne la juge pas. Il dit pas que c'est bien ou mal. Oui. Et tu vois, le personnage, il dit répond, que c'est ce que César préfère. Son personnage va faire le choix, mais lui, Amenábar, ne va pas apporter de réponse. Et c'est ça que je trouve vraiment noble de sa part. Et tout l'ensemble du scénario, alors faut se prévenir, j'aime la noirceur. C'est sombre à en pleurer. C'est sûrement le film le plus déprimant de l'épisode. C'est complètement désespéré, c'est d'une tristesse et d'une noirceur absolue. Jusqu'à la dernière scène, qui peut-être, je pense, de tous les films que j'ai vus, est une des scènes qui m'a le plus fait pleurer de ma vie. C'est mention à son twist. Alors, le twist, je vais se passer rapidement dessus. C'est un twist qui, par défaut, a tendance à m'énerver. Donc, c'est un twist du type « Tout n'était qu'un rêve ». On détaillera plus tard. Oui. C'est vraiment ce genre de twist. C'est souvent un twist que je trouve très facile et un twist qui a vraiment tendance à m'énerver. Mais je trouve qu'ici, c'est si beau dans ce que ça raconte et en même temps, c'est si pur dans la façon dont c'est amené narrativement et si désespéré par rapport à ces personnages, que ça me fait globalement verser toutes les larmes de mon corps. Et à savoir que chaque élément est pensé, c'est-à-dire là, ça devait être la 7e fois que je le voyais, et il y a plusieurs éléments disséminés dans le film qui vont préfigurer la fin, qui vont offrir des possibilités de revisionnage assez hallucinantes, et qui montrent vraiment le talent d'Amenábar pour monter une histoire et pour jouer avec les sentiments de son spectateur. Rapidement, Amenábar, je trouve que c'est un génie absolu, c'est-à-dire que dans Thésis, c'est une démonstration d'angoisse et de comment oppresser ton spectateur avec un film. Agora, qui est un chef-d'œuvre absolu des années 2000, qui va en même temps ultra intelligent et en même temps qui fait vraiment beaucoup pleurer aussi. Et Mare Adentro, qui globalement fait pleurer à partir de la 15e minute. Mare Adentro, en fait, c'est l'histoire d'un tétraplégique qui demande la mort. Okay. Et le film dure 2 heures, et pendant 2 heures, c'est des questionnements autour de est-ce qu'il faut lui accorder la mort ou pas. C'est juste magnifique. C'est globalement le troisième tiers de Million Dollar Baby. Il y a de ça, mais c'est le troisième tiers étalé sur 2 heures, ouais. Et c'est vraiment très difficile. Je trouve que le film arrive à créer une dynamique de cauchemar, mais plus dans le sens confusion que horreur. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, un film de cauchemar horrifique, ce serait Insidious, la scène de la fin d'Insidious, lorsqu'il va dans le monde des ombres, ouais. ou Abandonné de Nacho Cerda, qui est vraiment un film de maison hantée extrêmement effrayant. Et ici, moi, tu me dis film cauchemar, le premier qui me vient, c'est Frayeur. Frayeur aussi, t'as cette logique de cauchemar, et Frayeur, t'as cette logique de cauchemar, de confusion, que je veux dire par là. Et dès la scène d'intro, tu peux constater ça, parce que t'as cette espèce de ville vide, ultra intrigante, tu sais pas ce que ça fait là, ouais. et le film s'ouvre là-dessus. Bref, le savoir-faire d'Amenabar se retrouve vraiment partout, y compris dans la mise en image. T'as une photo du film qui est plutôt sombre et terne, jusqu'à la moitié du film, qui amorce le twist, où ça s'éclaire. Ouais. Ce que le remake fait avec une subtilité de rouleau compresseur, c'est le remake qui sature l'image dès la moitié du film. Bref, je vais revenir plus tard dessus. Il filme ses personnages avec un savoir-faire hallucinant pour attacher son spectateur à eux. Pour moi, une scène qui résume tout, c'est la scène du mime. Tu vois Penelope Cruz en mime sur un banc. Ah oui. Et lui qui est avec son masque, puisqu'il a été défiguré suite à un accident, face à elle, aucun dialogue. Et tu sens qu'il y a un truc entre eux à travers la mise en scène. Pour moi, on touche quasiment au mystique. Hein. J'adore vraiment ce film. Avec des images qui marquent profondément la rétine aussi. Donc la dernière scène, pour moi, qui est une des plus belles scènes du cinéma. La scène dans la boîte de nuit, avec notamment une image que j'aime beaucoup, où tu vois le visage et lui qui a son masque derrière la tête. Oui. Donc tu vois une espèce de bonhomme à deux visages. Bref, je pourrais également parler de la musique très rapidement, qui est sublime, avec notamment le thème, la Azotea, que je vous invite à écouter, qui accompagne la scène de fin, qui dès les trois premières notes, moi, me met en larmes, c'est fini. Bref, j'avoue, j'ai essayé de faire de mon mieux, c'est très dur pour moi de parler de ce film, tellement il m'a marqué, je trouve exceptionnel. C'est, sincèrement, je pense, un des cinq plus beaux films de l'histoire du cinéma. Et si je touche rapidement un mot sur le remake, je le déteste. Alors, pourquoi? Je le trouve ultra insipide, il a un côté pop, qui est probablement dû à Cameron Crowe, qui avait aussi réalisé Almost Famous, pas loin avant, qui va à l'encontre totale de l'original, qui était beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Je trouve que c'est pas un mauvais film, c'est pas un très mauvais film en tout cas, mais je peux pas le revoir, parce que je trouve qu'il perd toute la sensibilité de l'original au profit d'un côté grosse couille, avec sa débauche d'effets spéciaux, notamment à la fin, que je trouve finalement très vain et vraiment pas utile. Mais c'est grâce à ce remake qu'on a eu les autres. Comme quoi, à tout malheur, il y a quelque chose de bon. Bref, j'ai beaucoup trop parlé sur ce film, je m'en excuse. J'avais besoin d'en parler, c'est un film extrêmement important pour moi. Roman, vas-y, est-ce que tu as aimé, s'il te plaît? Je fuis. Vas-y, est-ce que tu as aimé, Roman? C'est mon préféré de la série. Yes! J'éructe de joie, mais... Faut savoir, je pense que ça s'est entendu, mais c'est vraiment un film qui m'a transcendé, qui est un film qui... J'ai du mal à trouver les mots pour en parler, ça me touche énormément que tu l'aies, mais je te laisse en parler, je ne dis plus rien. Ouais, non, c'est mon film préféré des six dont on va parler aujourd'hui, très clairement. Je l'ai découvert pour l'occasion. J'aurais cru que c'était Fragile, ton préféré. Je spoil le film sûr, mais j'aurais juré que c'était Fragile. Bah même pas. Et bah écoute, tu me surprends, vas-y. Je pensais que Fragile, c'est celui que j'aime le moins des trois que j'ai choisi. Surprenant. Vas-y, je te laisse parler d'eux après le sort, vas-y. Mais donc, bah, Fragile, on en parle juste après toi, ça. Ouais. Mais donc, pourquoi c'est mon préféré? Bah parce que l'histoire de César est ultra touchante, parce que, bah, profondément humaine, en fait. C'est Amenabar, c'est un génie. C'est son deuxième film. Je trouve ça... En fait, je répète, mais... Comment on peut écrire une histoire pareille, la mettre en scène de façon aussi maîtrisée, aussi aboutie, dans ton deuxième film? Ouais, ça c'est ouf. C'est hallucinant. Et mais parce que Amenabar a un putain de talent pour que le spectateur soit vraiment en empathie avec son personnage, quoi. Toi, t'as vu lesquels de lui? Les autres seulement. Parce que si on fait un rapide focus, savoir Amenabar, le problème en fait, c'est que... Donc il a fait tous ses films jusqu'à Agora. Donc tout jusqu'à Agora, vous pouvez y aller, c'est même les autres. Enfin, j'ai longtemps hésité à prendre les autres aussi, mais c'est un... De toute façon, les autres, ils datent d'avant Agora. Hein. C'est avant Agora, les autres. Agora, c'est 2009, les autres, c'est 2001. C'est quand même un incroyable film, les autres. Et il faut savoir qu'après Agora, il a fait Régression avec Ethan Hawke et Emma Watson, que je déteste pas, mais qui est raté, qui est vraiment raté. Que j'ai pas vu. Qui est vraiment pas terrible. Il a également fait... While at War, Lettre à Franco en français, okay. qui était une déception, quand même, une demi-déception pour moi. T'as toujours une émotion qui fonctionne pour les personnages, mais je trouve ça moins maîtrisé, moins abouti. Et plus récemment, il a fait une série qui s'appelle La Fortuna, que j'ai pas encore vue, mais qui me donne vraiment très envie. Mais voilà, bref, Amenabar, reviens, s'il te plaît. Je pense que t'as fait trop de chefs-d'œuvre pour... Vraiment, sincèrement, entre Thésis et Agora, tout ce qu'il fait, c'est des masterclass. Tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Il a fait un court-métrage qui s'appelle Daniel. Avec Dakota Johnson, non? Parce que je sais qu'il a fait un court-métrage avec Dakota Johnson, Mais c'est... Non, avec Charlotte Vega... Y'a pas Dakota Johnson, t'es sûr? Non, c'est, je confonds. Dakota Johnson, c'était un autre qui l'avait fait. Je confonds, désolé. Mais non, vas-y, je t'ai interrompu, je te laisse reprendre sur Abril Osoros, qui est... Voyez ce film, voyez. En plus, il est pas dur à trouver, on en parlera. C'est Ballet, avec Dakota Johnson. Ballet, avec Dakota Johnson, merci. Donc ouais, je disais quand même, c'est profondément, profondément humain et c'est profondément triste, parce que César est presque tout le temps dans une profonde détresse. Toujours. À part au début, mais... Bah, le début permet d'ancrer son personnage dans la réalité avant de le faire sombrer dans un cauchemar absolu qui vraiment peut déranger. Ça, bah, c'est d'autant plus déprimant que tu le vois heureux au début du film et que t'es heureux aussi avec lui quand il a ses petites touches de bonheur au milieu de cette putain de descente aux enfers. Ouais. Et qui rend du coup la fin de ses bribes mais tellement amère. C'est ça pique. C'est peut-être le film le plus noir. Tracel Crystal était noir. Abril Osoros est déprimant. Et pour moi, c'est encore au-dessus en termes de. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir. Parce que Tracel Crystal, elle a une fin. Très rapidement, une fin plus légère. Entre guillemets. Un peu plus légère. Ah, tu te dis bien fait pour sa gueule, quoi. Mais ouais. Là où Abril Osoros a une fin qui te dit. Non, c'est horrible. Et oui, il y a donc là cette putain de descente aux enfers de César qui est déchirante et qui est dans nos Riega, mais il joue mais tellement bien. On l'a perdu, ça me rend triste. Je viens de voir aussi qu'il avait joué dans les traducteurs de Régis Roinsart, je crois, avec Lambert Wilson. Ah, que j'ai pas vu. Sa cabotine, c'est dur à voir. Mais de manière générale, tout le casting est génial. Hein, Noriega, Cruz, quand on a parlé. Qui a le même rôle dans le remake, et oui. Je la trouve moins bonne dans le remake. Je la trouve moins spontanée. Mais c'est l'écriture du remake en général que je trouve plus lourde en fait. C'est-à-dire, oui. Typiquement, ouais, c'est plus balourd, ouais. C'est, Typiquement, la scène où César va chez elle la première fois, c'est une scène qui dure quoi 10 minutes dans l'original. Et en 10 minutes, mais tout est là. En 10 minutes, tu souris avec eux comme un débile parce que juste, ils sont trop mignons tous les deux. T'as juste une envie, c'est qu'ils soient bien. Dans le remake, alors Tom Cruise, j'aime bien Tom Cruise, mais je trouve qu'il est moins spontané, il fait... Tom Cruise a un côté plus inatteignable qu'Eduardo Noriega, mais aussi à cause de son statut, et donc tu crois moins à la crédibilité de leur histoire, je trouve. Après, le Tom Cruise de 2001, c'est pas le Tom Cruise de maintenant, quoi. Oui, mais aujourd'hui, je trouve que ça rend le film encore plus dur à voir. J'ai essayé de revoir Vanilla Sky, hein, j'ai pas tenu 30 minutes, parce que vraiment, j'arrivais pas à me dire... à croire en lui, j'arrivais pas à avoir de l'empathie. Mais non, c'est vrai que tout fait plus artificiel dans Vanilla Sky. Plus grosse couille, genre nous les Américains on a des grosses couilles, on fait des effets spéciaux. À savoir rapidement, la fin de Vanilla Sky peut être dure à comprendre si vous n'avez pas vu l'original, je trouve. Parce que c'est une débauche d'effets spéciaux là où l'original, un plan sur un objet, il t'explique tout. Ouais, je t'avoue que... Mais t'avais vu l'original avant. J'ai vu l'original avant. Tu vois, c'est ça aussi qui joue. Moi j'ai vu Vanilla Sky en premier, ouais. Et c'était plus confus pour moi. Et donc, oui, et on nous mène pour un film sur plusieurs pistes qui amènent du coup à ce twist. On le divulgage, je te laisse le raconter. Mr. Freeze. Bah, je le raconte ou tu veux le faire? Vas-y, mais globalement, c'est important d'arracher Picard, quoi. C'est, En fait, donc on a donc César suite à une petite engueulade. Une engueulade avec Nouria, un accident de voiture et défiguré, mais de façon d'ailleurs, le mec, je trouve que le maquillage n'a pas vieilli. Non, c'est vrai. Et il, quand il voit qu'il n'arrive plus à vivre sa vie comme avant, va décider de se suicider, de se faire congeler. Et la deuxième moitié du film est un rêve. C'est une réalité virtuelle. Mais par un rêve, on veut plutôt dire un rêve qui part en couille. C'est-à-dire que il va vivre un cauchemar absolu où des visages de personnages vont s'interchanger. Il va perdre pied avec la réalité. Et c'est qui va mener jusqu'à la fin où il va prendre conscience de ce qu'il était dans un rêve, et vraiment la scène de fin, encore une fois, me fait pleurer. Toi, question, est-ce que la scène de fin t'a fait verser une petite larmichette ou t'as mis à défaut? Parce que je sais que je pleure facilement, mais la larme à la gorge. Enfin, la boule dans la gorge. Alors, non, mais pas loin. Yes! C'est-à-dire que vraiment, j'ai fini... Ça a réussi à percer presque ton cœur de pierre. Oh, j'ai pas un cœur de pierre. Là, vraiment, je suis assis sur mon canapé, j'ai mon étage Pixar à côté de moi, j'ai vice-versa. Qui me fait pleurer au moins 4 fois. La scène de disparition de Trumpet Man, là. Ouais, de Big Bang, mais même... Big Bang, mais... Je suis pas incroyablement fan de Vice Versa. Allez, je sais que c'est une hot take, mais... Je préfère Soul. Allez, ça n'a rien à voir. Mais même Soul, Soul me tire la gorge. Hein. Soul, il fait mal, hein. Ouais. Et donc, Abril Osoros. Donc oui, Abril Osoros, c'est... C'est puissant. C'est pour moi, à nouveau, je répète, hein, mais c'est un des 5 plus beaux films de l'histoire du cinéma. Et si jamais vous devez retenir qu'un film de cette émission, selon moi, c'est celui-là. Selon moi aussi. Hein. C'est celui-là qu'il faut voir et qui vraiment est important pour l'histoire du cinéma espagnol en général, puisque c'est peut-être un des 10 films fantastiques espagnols les plus importants, je trouve. Je le mets peut-être avec El Día de la Bestia, Rec, tu vois, des trucs comme ça. Mais pour moi, celui-là, il est, je trouve, beaucoup trop peu connu. Si on refait un épisode d'Espagne, vraiment, on parle de Rec. Si on refait un épisode d'Espagne, je prends Thésis. Je prendrais un Amenábar, un Balaguero, je serais très fixe là-dessus. Et donc, si t'as fini, où est-ce qu'on peut le trouver, éventuellement? Alors, je vais juste dire vite fait une petite conclusion sur ce que j'en pense, mais globalement, là où je trouve Perdita Durango et Prison de Cristal très froid, je trouve que Abrelo Soro, ça ouvre les yeux, hein, parce que nous sommes en France. Je trouve qu'il ouvre les yeux à vraiment ce côté très humain, ce côté chaleureux dans le fait de montrer la tristesse. Je dirais plus proche de son personnage. C'est-à-dire que comme il va coller dans le malheur de César, il va coller à César, puisqu'on ne suit que César, oui. Je trouve qu'il va... T'as un point de repère empathique. Là où Tracel Cristal n'en a aucun, et va même jouer là-dessus, Perdita Durango... T'as le couple principal, mais en même temps, faut accepter de les voir commettre des horreurs. Là, t'es vraiment en empathie juste avec ce personnage-là qui traverse un enfer total. Ouais. Et donc, oui, où est-ce qu'on peut le voir? Eh ben, il est en ce moment sur Canal, sur MyCanal. Mm-hmm. Il est, en parlant de Canal, il est édité en Blu-ray par Studio Canal en France. Blu-ray et DVD, j'ai que le DVD, je dois trouver le Blu-ray. Et il est disponible dans un magnifique MediaBook espagnol avec les sous-titres français. Voilà. Donc voilà, c'était Abrelo Soros. On a fini ma sélection. On a fini ta sélection. Et on passe à la tienne, qui n'est pas moins bonne, si je peux me permettre. Est-ce que tu veux déjà raconter l'anecdote sur pourquoi est-ce que t'as pris Fragile et pas un autre? Alors, parce qu'à la base, c'était pas Fragile qui était dans la sélection. À la base, j'ai hésité avec Malveillance, sachant que je n'avais vu aucun des deux. Donc deux films de Balaguero, donc Malveillance, Mientras Duermes en espagnol. VO. Donc on s'était dit, il fallait un Balaguero, qui a un nom quand même assez important du cinéma fantastique espagnol, voilà. Connu pour Rec, mais qui a également, enfin tu en parleras, mais La Secte sans nom, Darkness, tout ça. Voilà. Mais donc, j'ai vu les deux pour l'occasion. Malveillance m'a mis super mal. Ce qui est son but, hein. Malveillance, à nouveau, c'est pas avoir si t'es cardiaque, ouais. Hein. C'est dur, Malveillance. C'est très dur, Malveillance. Et je me suis dit... Après les films de ce Gugus là, on va rester sur de la dépression, mais au moins on va pas faire. Est-ce qu'il faudrait pas un peu de légèreté? Je suis en train de réaliser, on a quand même une émission où le thème c'est dépression. Parce que entre Tracel Cristal. Sauf sur mes deux derniers. Et encore Véronica, je suis pas sûr. Hein. Ouais. Disons que c'est pas la fête à la saucisse de Montaigu quoi, mais. Ouais, mais Fragile, c'est vrai que c'est le stade encore au-dessus quand même. Oui. Et donc, Fragile. Mais donc, Fragile, donc, c'est réalisé par Jaume Balaguero, que je vais flex un peu, mais que j'ai rencontré. C'est un flex mérité. Alors, il a la réputation d'être très sympa. Est-ce que tu peux confirmer? Alors, je l'ai vu très vite fait, c'est-à-dire que je l'ai vu à l'Étrange Festival en 2000. Alors, je. 16 ou 17, un des deux. Il avait présenté Muse ou pas encore? Non, il était venu pour une séance, alors c'était pas un de ses films, c'était une séance carte blanche où il a choisi de nous présenter Street Trash. C'est très étrange. Parce que quand tu vois le point de vue de ses films, qui est plutôt des trucs hitchcockiens, assez ambiance, ouais. Je dois admettre que Balaguero qui parle de Street Trash, c'est un petit côté Camoulox quand même. Ouais, et donc là, ils font du volet avec une bite. mais il a la réputation d'être très sympa et de bien parler de ses films. Il avait l'air sympa et surtout j'ai pu rencontrer, mais non, on en reparlera quand on parlera de Véronica. Mais mais donc pas Plaza, mais on parlera après. Mais donc c'est réalisé par Plaza, donc dont les seuls films que j'ai vus c'est Balaguero, t'as dit Plaza. Pardon, Plaza. C'est réalisé par Raúl Balaguero, donc dont les seuls films que j'ai vus c'est Malveillance, Rec 1, 2 et 4. Bah, si je peux mettre un mot dessus, c'est un réalisateur qui a démarré avec La Secte sans nom. Qui est aussi un film que je trouve assez dingue, assez imparfait, mais vraiment, vraiment, vraiment fou. Et qui fait quand même son petit effet, quand tu devrais aimer d'ailleurs, je pense, La Secte sans nom. Et il est en Blu-ray là-dedans. Je pense que tu devrais l'aimer. Après, il a fait. Et je parlerai du Blu-ray plus tard. Après, il avait fait Darkness, que j'ai pas revu depuis très longtemps, dont j'ai très peu de souvenirs. Il avait fait Fragile, donc jusque-là, c'est à peu près un sans faute. Après, il fait Rec, qui transforme l'essai, le met sur le devant de la scène. Il fait Rec 2, que moi j'aime bien. Moi aussi. Qui a une réputation un peu en dessous du 1, mais je trouve que c'est une très bonne suite. Il est en dessous du 1, mais... Je trouve que c'est quand même une très bonne suite. Il a fait Rec 4, que j'aime bien, mais peut-être pour les mauvaises raisons quand même. Rec 4, c'est compliqué. Rec 4, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Et il est pas terrible. Ouais, non. Après, il fait Malveillance, qui est quand même très fort. Oui. Et récemment, il avait fait Muse, qui est loin d'être son meilleur, mais qui est très bien shooté. Qui montre qu'il sait filmer, mais le problème, c'est tout le reste. Voilà. Donc, au scénario, donc on a notre petit Raume, qu'on va appeler Jaume. C'est que lui ? Non, on a aussi Jordi Galceran, qui n'a rien fait de notable. Je sais pas pourquoi, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais je dois peut-être confondre. On peut fact-checker et couper. Je fact-check en vitesse. Ok. Et donc au casting, c'est la surprise du film, mais on a Calista Flockhart qui est Ally McBeal. C'est vraiment elle ? C'est vraiment Ally McBeal. Je confirme rapidement que Jordi Galceran n'a rien fait d'autre, donc je dois totalement confondre. Voilà. Mais donc oui, Ally McBeal dans ce rôle principal ? Alors je suis en train de vérifier, oui. Oui, pourquoi pas. Pour avoir vu quelques épisodes d'Ally McBeal, notamment l'épisode où elle rencontre Robert Downey Jr. J'en ai vu que un ou deux, et j'avoue que ça m'a pas marqué. Je vois l'image du personnage, mais c'est pour ça que je suis pas... Ouais, non, mais c'était surprenant de voir ça. De voir que c'était Ally McBeal, mais du coup, bonne surprise. Ça ne se refuse pas. Parce que, le grand public la connaît pour ce rôle-là, qui est un rôle très comique, mais quand tu vois Fragile, du coup... Qui est plus en intériorité, plus en intériorité. Après, plus, pour le coup, à savoir, par contre... Du coup, je sais pas si tu as noté, mais le film est tourné en langue anglaise. Oui, le film est tourné en anglais, bien sûr. Ce qui peut désarçonner. Parce que Lost in Nombre et Darkness sont en espagnol. Et j'avoue que moi, la première fois que j'ai vu Fragile, j'ai vu parler en anglais, j'ai fait, c'est sûr, c'est la VO, ça. Oui, non, j'ai... d'ailleurs, ça m'a surpris quand j'ai mis le Blu-ray dans le lecteur, j'ai vu... Donc, il y avait Castellan, Inglés, VO. Vraiment ? Ok. Bon, on part sur l'Inglés. Et... Ensuite sur le casting. On a Richard Roxburgh qui a joué Dracula dans Van Helsing. Oui. Qui jouait dans Moulin Rouge, dans Elvis, dans Men in Black 2. Mission Impossible 2, pardon. Dracula dans Van Helsing, tu sais que j'adore Van Helsing. Tu sais que j'ai toujours pas vu Van Helsing. Tu sais qu'on verra Van Helsing. Pour moi, c'est. On fera un épisode vampire. Ah ouais ! Et tu mettras Van Helsing. Richard Roxburgh, mec, le parrain. C'est le Marlon Brando dans le parrain. Je te jure, ce mec, c'est hallucinant. Enfin, je dis pas qu'il joue bien Dracula. Mais je dis qu'il a une personnalité. On a Elena Anaya, qui a joué aussi dans Van Helsing, qui a joué dans La Fiel Capito, qui joue la médecin. Bah, on a un peu un lien avec Apollo Soros, vu qu'elle joue la médecin nazie, enfin la médecin allemande complètement défigurée, qui porte un masque du coup pour cacher son visage. Dans La Fiel Capito, ouais. Dans Wonder Woman. Dans Wonder Woman ? Oh putain, je confonds les gens. Ah oui, putain, oui, c'est vrai qu'il y a ça dans Wonder Woman. Je joue Wonder Woman, j'en garde un bon souvenir sauf de la fin, moi. C'est... qui est joué dans Parle avec elle d'Almodovar, dont on vient de parler du coup avec. Moi j'aime beaucoup Parle avec elle. Que j'ai pas vu. C'est pas le Almodovar préféré en général, mais j'aime beaucoup. Et on a Gemma Jones qu'on a vu dans The Crown, Rocketman, et qui joue Madame Pomfraîche dans la saga Harry Potter, et qui joue aussi la mère de Bridget Jones dans la saga Bridget Jones. J'ai vu que Bridget Jones 1. J'ai vu le 1 j'ai et le 2. J'ai vu aucune des suites. J'ai vu l'un et deux. J'aime bien le 1, j'aime bien la scène du lapin dans le 1. Ceux qui ont vu Bridget Jones auront la ref. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. À la musique, on a. Je sais pas si ça se dit Rock Bagnos. Rock et Bagnos. Je crois que UE, ça se dit. La musique est magnifique. Parce qu'on dit Miguel, pas Miguel. Donc je pense qu'on dit Rock. En tout cas, la musique est magnifique. Ou Rocket. Ouais, bah du coup. On va l'appeler Roro. Voilà, Roro, donc qui a composé pour The Machinist, Alloué, de Balaguerro. Ouais, et c'est pas lui qui a fait Intruders, de Fresnadio ? Je crois que si. Bonne question. Je fact-check en vitesse, mais je trouve la musique de Fragile, j'en parle rapidement, magnifique. J'adore la musique de Fragile. Qui m'a pas marqué, d'ailleurs, je t'avoue. Pour le coup, moi, c'est un morceau que je réécoute souvent. Hein, mais qui a joué, donc, qui a composé pour beaucoup de réels espagnols, donc notamment, on vient de dire Balaguerro, mais aussi donc pour Balada Triste et le crime Farpé de Della Iglesia, sur Régression d'Amen Abar et sur, alors il est pas espagnol, il est uruguayen, mais donc sur Evil Dead, Don't Breathe et Millennium de Fede Alvarez. Et la BO d'Evil Dead est vachement cool, oui. Et j'ai vérifié, c'est lui qui est sur Intruders, et je le vois à l'instant, c'est rigolo, Old Boy, le Spike Lee. En plus, la musique, c'est pas le pire truc du film, il y a d'autres problèmes. Donc voilà, de grands noms, mais qu'on retient pas spécialement pour les compositions, peut-être à part Evil Dead. Bah pour le coup, c'est un compositeur qui est plus discret, mais si vous avez l'occasion d'écouter la BO de Fragile, vraiment je vous encourage à le faire, parce que c'est une BO qui est très ambiante, très atmosphérique, tout en ayant des vrais instants de grâce. Déjà le main theme est magnifique, il y a plusieurs morceaux très beaux, notamment sur toute la fin, qui accompagne la fin du film. C'est des très beaux morceaux, souvent... C'est vrai que quand on parle de la fin, oui, c'est vrai. Souvent c'est une petite mélodie au piano, avec des petites cordes, etc. Mais vraiment, c'est pas un compositeur exceptionnel, mais même Intruders, que je trouve être un très mauvais film, pourtant d'un réalisateur que j'aimais bien, il a une BO qui est pas mal du tout, qui est vraiment pas mal. Je trouve que c'est un compositeur qui se défend bien. Ok. Donc à la lumière, on retrouve, je sais pas comment ça se dit, Xavi ou Xavi. Ravi. je crois que ça se dit, je crois que ça se dit Xavi. Mais donc Xavi Jiménez, Jiménez, rien à voir avec Cédric. Donc qui a été chef op sur on revient mais de Machinist, sur d'autres films de Baleiro comme La Secte sans nom ou Darkness. La lumière de La Secte sans nom, elle a tombé par terre. Et je viens de voir, il a fait aussi un autre film. Alors, je sais pas si on parle du même, mais Agora. C'est le chef op de Agora. Ok, ok. Qui a aussi une photo mais sublime. J'adore Agora. Et aussi sur Penny Dreadful et sur le film Marrowbone que j'aime beaucoup. C'est pas une prod par le mec de l'orphelinat ? Il y a des chances. Il me semble, et c'est des trucs avec Anya Taylor-Joy. C'est ça, ouais. Parce que je crois que j'ai tourné en anglais, mais je crois que c'est que espagnol. Je crois que je l'ai jamais fini, ce truc, honte à moi, hein, mais ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air pas mal, le côté gothique. Bah, je l'avais vu en salle, moi, Marrowbone. C'est bien le truc qui avait un côté gothique et tout ça, non ? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est produit par. Comment il s'appelle ? Le. C'est avec Charlie Eaton de Stranger Things. Ouais, mais comment il s'appelle ? Juan Antonio Bayona. C'est produit par Bayona pour moi. C'est produit par Bayona, exactement. Voilà, c'est produit par Bayona. Et oui, qui est. Attends, si je vérifie. Mais c'est. Non, c'est hispano-américain. Ok. Mais c'est quasiment que espagnol en termes de thunes. Mais c'est juste étant en anglais. Pour parler vite fait des effets spéciaux. Parce que. On n'en a pas parlé depuis le début. Non, parce que pour le coup, Tracel Cristal, t'en as pas tant que ça. Ouais. Perdita Durango, t'en as un peu plus, mais ils sont pas au cœur du film. Et Abre los Ojos, t'as un maquillage. Mais tu vois, c'était. Le tien est le premier où il y a vraiment des effets spéciaux. Faut savoir aussi rapidement sur le cinéma espagnol, quelque chose qui, je trouve, le caractérise énormément, c'est leur capacité à faire du fantastique avec très peu. Je pense à des films comme Intacto de Fresnadillo, dont je parlais juste avant, qui va utiliser un phasme. Qui est juste un insecte très bizarre à voir de près, et la simple étrangeté de cet insecte va servir pour faire du fantastique. Ou, comment il s'appelle L'Esprit de la Ruche, qui est un film, alors jamais je te le proposerai parce que je pense que tu le trouveras trop chiant, mais qui est un film qui va faire du fantastique juste avec des cadres un peu bizarres, et qui va pas forcément mettre en avant une grosse débauche d'effets spéciaux. C'est pas les Italiens, par exemple, je trouve. Okay. Après, ce n'est que mon avis et mon interprétation. Et donc, au FX, on a la société El Ranchito. Chef Kiss. Voilà, donc le petit ranch dont d'après leur site, c'est une de leurs premières, c'était leur première leur premier taf. Et bah écoute, leur résultat a suffi à hanter mes nuits. C'est ça. Qui d'abord s'est concentré sur le cinéma espagnol, donc avec La Piel qui habite au, et qui après a fait des films de réal espagnol ou hispanique mais à l'international, donc The Impossible par exemple, Régression, Quelques minutes après minuit. Oui! Bayona, j'adore l'orphelinat, mais j'aime encore plus Quelques minutes après minuit qui. C'est aussi un film qui me fait pas mal chialer quand même. C'est. Ah, je sais que la scène de l'hôpital, elle fait un peu mal au cœur. Voilà, mais aussi sur Jurassic World 3 et des séries comme Game of Thrones, Mandalorian, Westworld et Stranger Things. Ah putain, c'était dur le Jurassic World 3 qui arrive d'un coup, genre. On a fait ça et ça, c'est bien et ça. Ah. Voilà, mais donc qu'est-ce que ça cause? Qu'est-ce que ça cause ? Eh ben, donc, ça parle de Amy, donc qui est jouée par Ally McBeal, qui est une infirmière engagée dans un hôpital pour enfants, sur le point de fermer, pour aider au transfert des enfants et du matériel. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il y a une présence paranormale. Qui s'appelle Charlotte ! Qui s'appelle Charlotte. La fille mécanique. C'est ton film, je te laisse démarrer. C'est ça. Moi, je suis beaucoup plus gentil que toi sur le film. Fragile, c'est un film qui joue... Comme souvent chez les Espagnols, sur deux tableaux, donc l'angoisse et le drame. Mais qu'il y a un genre quand même dans le lot qui ressort quand même bien plus, c'est le drame. Ouais. Ouais. Le film a deux parties distinctes, et sur 1h40, t'as 1h, voire 1h10 de drame pour 30 à 40 minutes de fantastique. C'est ça. Et donc, comme Ouvre les yeux, c'est un film qui est quand même profondément humain, et où tu vis la descente aux enfers aux côtés du personnage, encore une fois. Même si là, je suis pas forcément d'accord sur le terme descente aux enfers, mais plutôt une espèce d'enquête. Une enquête, mais qui va quand même. Qui va illustrer les faiblesses de son personnage, ouais. C'est ça. À la manière, par exemple, dans l'échelle de Jacob. Ouais. Voilà. Donc la bonne surprise du film, c'est Kelly Staff-Lockhart, qu'on connaît surtout pour Ally McBeal, qui est pas ce qu'on peut appeler donc une série très angoisse et drame. Non, on est plutôt, tu vois, citrouille et bonbon, tu vois, pour en référence au dernier épisode, tu vois, mais on est plus joyeux dans Ally McBeal quand même. Et elle arrive parfaitement à nous faire avoir de l'empathie pour son perso, et c'est aidé par la photo qui est, tombée par terre. Qui est magnifique, la musique. J'adore la musique. Je sais que, en fait, surtout, c'est que la musique, au-delà de la pure qualité, elle accompagne, je trouve, parfaitement le film parce qu'elle sait être ultra angoissante. Je pense à la scène de l'ascenseur, qui, quand l'ascenseur se bloque, oui, et que tu vois le deuxième étage, elle est ultra angoissante à ce moment-là. Mais en même temps, toute la scène de fin, à nouveau, je te laisserai divulgâcher si tu restes en allant vie, elle est très douce, très... En fait, elle accompagne l'évolution de ce personnage qui démarre en étant quelqu'un de brisé tant par la vie et qui refuse d'admettre qu'elle a une deuxième chance, avant d'être plus dans l'acceptation, plus dans, je trouve, dans une douceur qui illustre l'évolution du personnage. Ouais. Et c'est aussi aidé, ben, évidemment, par la mise en scène de Balaguero. Ça se voit pas, mais je fais un emoji prière, là, c'est... Ouais, justement, pour parler de Balaguero, c'est un mec qui sait faire peur. Rec, malveillance. Malveillance, voilà. Même Rec 2, hein. Ouais, même Rec 2 qui a quand même des bonnes scènes de flip. Hein. Qui est quand même plus actionneur que le 1. C'est des militaires en même temps. Bah, des militaires, mais, surtout, tout simplement le contexte qui veut ça. C'est-à-dire que le 1, tu sais pas trop ce que c'est. Et donc, t'es aux côtés de personnages qui eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Le 2, dans mes souvenirs, ils savent qu'il y a un truc dedans. Et c'est pour ça qu'ils envoient des militaires. Ouais. Et du coup, le 2 ne peut naturellement pas être aussi flippant que le 1. De base, parce que les personnages ont des guns. Alors qu'avant, ils ont... Une caméra. Leur bite et une caméra. Ils ont rien d'autre. C'est peut-être une petite fille à balancer sur les zombies pour distraire. Ouais, éventuellement, mais je pense globalement, ils ont pas grand-chose. Quoi. Donc j'ai la petite fille et les zombies en plus. Je pense, t'as vu ou pas les remakes de Rec en quarantaine? Non, j'ai le DVD de En quarantaine 1. Ouais, parce que pour le coup, je les ai toujours pas vus. Mais je sais que après, parce que Rec, rapidement, là où Balaguero est quand même fort, c'est que... On parle des enfants de Blair Witch, mais on parle pas assez des enfants de Rec. Je pense notamment à Grave Encounters. Oui, Grave Encounters. Le premier, je trouve pas dégueu. J'aime pas le 2, mais je trouve le premier... J'ai pas vu le 2, je t'avoue. Mais je trouve le premier pas mal. Grave Encounters, dans la sélection de 2022 de l'horreur de festival. Et pour le coup, je trouve quasiment aussi... Ou 2021, peut-être. Que Unfriended est un enfant de Rec. Je trouve. Je trouve qu'il y a cette même logique de peur. Je sais pas pourquoi je vois un lien de filiation. Peut-être que c'est juste moi qui hallucine et qui sont en train de me branler. Hein. Mais je peux pas empêcher de me dire qu'Unfriended, il y a un côté Rec dans l'usage de comment est-ce que tu vas utiliser ton cadre de caméra pour faire peur. C'est vrai. Après Unfriended... Ça peut être totalement moi qui me masturbe aussi. Hein. C'est après Unfriended, c'est un peu le... Là où Rec par rapport à Blair Witch était déjà dans le fan footage, les deux, ouais. Unfriended, on entre dans le computer screen film. Dans l'évolution du fan footage, c'est encore, ça. C'est... Parce que oui, le computer screen film, c'est un sous-genre du fan footage, un sous-genre du coup, techniquement. Ouais, c'est ça. Et qui pour le coup réussit pas toujours. Mais bref. Mais il y a Host qui existe. Oui, il y a Host, mais tu vois, c'est des cas plus isolés, je pense. Y a... Searching aussi. Comment ? Searching qui est génial. Searching où t'as le truc sur, je sais plus le nom, mais sur la femme qui se fait engager au djihad. Qui était vachement angoissant. Mais... Dis quoi, attends, je cherche le nom, je te laisse continuer sur Fragile. Je cherche le nom de ce computer screen avec le djihad là. Je t'avoue que j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que juste ça sait faire peur, ça sait émouvoir beaucoup. Et juste. Profile, c'est le nom, c'est réalisé par Timur Beckmann-Betov, qui est le chef de file de tous ces trucs de computer screen life. Ok, c'est celui qui a fait Megan Is Missing ou non ? Non, ça c'est. Michael Goy, je crois, il s'appelle. Ok. Et qui est Megan Is Missing, que je sais jamais quoi en penser pour le coup. Que j'ai pas vu. Qui est plus vicelard. Tu veux que je prenne le relais sur Fragile ? Bah, prenons que le relais. Alors, dire que perso, Fragile, c'est quand même un petit plaisir. En fait, faut savoir que déjà, c'est un métrage qui est extrêmement personnel pour Balaguero. C'est-à-dire que c'est un film qui est perclus. À nouveau, on reste dans la joie, hein, mais de douleur, de mort, de deuil. C'est un film très noir aussi dans ce qu'il va raconter, et même dans son ambiance générale, c'est-à-dire que c'est un bâtiment en ruine, c'est un personnage qui est marqué par le deuil, c'est des enfants qui sont eux-mêmes visiblement traumatisés par des choses qu'ils ne peuvent pas percevoir. La scène d'intro pose le contexte, la scène d'intro c'est un enfant qui va se faire péter les os quand même. Oui. Et faut savoir aussi, Balagueró le dédie visiblement une connaissance personnelle à la, dans le générique de fin. J'ai cherché, je ne sais pas du tout qui est cette personne, okay. Mais il le dédie à elle, et rapidement, c'est un truc qui me fait sourire, mais Balagueró, c'est un peu comme Vincenzo Natali, il peut pas s'empêcher d'enfermer ses personnages, parce que la secte sans nom, c'est ça, Darkness, c'est ça, Rec, c'est on ne peut plus ça, Rec 4, c'est un bateau, oui. Tous ses films, Malveillance, Malveillance ouais. Et en fait, c'est un gros fan d'Hitchcock, tous ses films, il enferme ses personnages, je n'aimerais pas vivre dans un film de Balagueró. Et alors, est-ce que c'est le meilleur Balagueró ? Non, je pense que son meilleur est Malveillance. Je pense que son meilleur, en termes techniques, en termes de maîtrise, notamment dans la narration, c'est Malveillance. Pour moi, est-ce que tu l'as revu Malveillance pour l'épisode ? Ouais, je l'ai revu après Tracer le Cristal. J'ai passé une super journée. Ah yes ! La bonne ambiance ! En fait, pour moi, le gros problème de Fragile, je l'out tout de suite. Heureusement que tu l'as pas vu quand t'étais à la résidence. Ah non, non, non, j'aurais pas été bien. Mais en fait, pour moi, le gros problème de Fragile, j'out ça tout de suite, c'est qu'il fait mal la balance entre drame et fantastique. C'est-à-dire que la première heure, c'est du drame pur. C'est très bien écrit, je trouve. Tous les acteurs sont pas au niveau. Je trouve que Annie McBeal s'en sort super bien. J'ai plus le nom de l'actrice. Les enfants s'en sortent vraiment pas mal. Pas tous. Mais par exemple, Richard Augsburg. Je l'aime bien, mais ça n'a jamais été un grand acteur. Et en revanche, je trouve la deuxième partie fantastique. Ah bah j'ai pas dormi. J'ai concrètement pas dormi. Mais bref, si je commence par la réalisation, d'abord, le film économise n'a aucun effet tape à l'œil. Il n'y a pas un seul jumpscare. Il y a une scène qui peut être un jumpscare, c'est la scène où le personnage noir va se faire tuer par Charlotte. Mais c'est pas un jumpscare. Oui. Parce que c'est entre guillemets prévu. C'est ce qui fait toute facilité pour vraiment, comme tu as dit, mettre le fantastique au service de l'intime et mettre le récit avant tout. C'est mais en même temps, le personnage, je trouve que Balagueró a une, tu as dit, il sait filmer, il sait faire peur, et je trouve qu'il a une grammaire cinématographique hallucinante. Pour moi, il y a une scène qui résume tout, c'est la scène où Amy va au second étage et apprend l'histoire de Charlotte en trois plans. Tu comprends. T'as un plan sur une photo qui montre, bon, à nouveau on divulgage comme des bâtards, hein. T'as un plan sur une photo qui montre une jeune fille en fauteuil roulant et une infirmière, un plan sur un fauteuil roulant, tu sais qu'elle est pas, et un plan sur Amy, tu sais qu'il y a un fantôme qui visiblement a des trucs sur les jambes, tout un attirail mécanique, et que visiblement elle peut se déplacer sans fauteuil roulant, en trois plans tout est montré, je trouve ça absolument dingue. Parce que oui, donc en gros, depuis le début du film, on pense que Charlotte, c'est une enfant. Oui, là, on voilà, divulgation. Tu veux ajouter le twist ? Vas-y, je te laisse. On a le twist. Depuis le début du film, on pense que Charlotte est une enfant qui, du coup, est attachée aux enfants de... Et atteinte de la maladie des os de verre. C'est pour ça qu'elle a des trucs sur les jambes et des objets pour se protéger. Alors qu'en fait, Charlotte, c'est l'infirmière. Et Charlotte, dans le film, a un design qui est une matière à cauchemar. Si vous tapez Fragile Charlotte, je vous assure qu'il y a des images absolument traumatisantes. Et donc, si elle s'en prend aux enfants, c'est parce qu'elle veut que les enfants restent dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Voilà. Faut savoir qu'également, en fait, chaque mention du fantôme dont on parlait, donc Charlotte, est le fruit d'une savante construction qui passe par l'image. C'est-à-dire qu'on a les décors qui vont s'effondrer pour représenter le fantôme et la vie de l'héroïne, les dialogues en général qui sont écrits de façon « Ah, il me met une image de Charlotte sous les yeux, enlève-moi ça tout de suite, c'est terrifiant !» Ça. Et en fait, le film va vraiment prendre son temps pour installer son univers, installer son image... avant de plonger vraiment dans le fantastique, et c'est peut-être ça qui manque au film, c'est vraiment, il manque une espèce de captation d'horreur brute, qui va avoir dans sa fin, mais de façon un peu trop vague. Bref, vraiment, c'est un film que j'adore, c'est un film, malgré ses défauts, je le trouve vraiment génial, parce que il arrive à rester au service de l'intime, tout en proposant des séquences d'horreur assez fortes. C'est-à-dire que pour moi, Charlotte m'a vraiment terrifié. Il y a vraiment des scènes avec Charlotte, il y a notamment deux scènes, donc une scène de meurtre, on voit rien, mais juste, on la voit elle, la scène où on la découvre, on découvre son visage en tout cas, et toute la scène de fin qui arrive à me tétaniser sans aucun jumpscare. C'est juste un plan sur elle qui avance, et c'est un plan qui me met extrêmement mal à l'aise à chaque fois que je le regarde. En bref, pour moi, c'est vraiment un film fantastique espagnol que j'aime énormément, qui jongle entre horreur intime et beauté formelle, puisque on a parlé rapidement de l'hôpital, mais il y a des décors quasiment gothiques qui sont tombés par terre, que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Mais j'avoue que j'aurais du mal à le conseiller à quelqu'un qui veut avoir peur, parce que la première heure peut rebuter. La première heure est quand même un peu longue. Si on veut conseiller un Balagru qui fait peur, on prend Rec. Ouais. Rec ou Malveillance. Malveillance plus dans le côté insidieux, vraiment malsain. Ouais. Et pour moi, avant tout, Fragile, parce que c'est avant tout, avant d'être un film de fantôme, c'est avant tout une belle histoire qui est, que je trouve, écrite de façon très personnelle pour le réalisateur, et de façon vraiment très belle, avec une mise en scène... Bah, tu l'as dit, Balagueró, c'est pas un manche. C'est ça. Mise en scène vraiment, vraiment superbe. Et de toute façon, qui est réalisé par un nom ô combien important dans le cinéma fantastique espagnol. Et j'avoue, la façon. J'ai fait un peu une Inception pour Fragile, parce que je ne voulais. C'est un film que je trouve trop oublié, et je voulais mettre un coup de projecteur dessus. Et bah, tu as bien fait. Est-ce que tu as. Où est-ce qu'il est disponible, Fragile? Où est-ce qu'il est disponible? Et ben, il est disponible, bah, évidemment, en Espagne. Il est sur le Netflix espagnol, je crois. Il est, il y a des chances, il est sur Canal Plus en ce moment. Ok. Mais beaucoup de Balagueró sont sur Canal en ce moment. T'as la secte sans nom? Je crois. Si t'as l'occasion, essaie de le voir. Je pense vraiment que tu peux l'aimer. Ah, je crois qu'ils sont à l'achat sur Canal. Du coup, si t'as l'occasion de voir la secte sans nom, je te recommande. Mais il est justement, il est disponible en Espagne, soit dans un Blu-ray seul, soit dans un coffret Balagueró avec Darkness et Malveillance, soit dans un autre coffret Balagueró qui contient Rec 1 et 2, Darkness et la secte sans nom, ou dans le coffret que personnellement j'ai. Donc Balagueró encore, qui contient Darkness, Malveillance, la secte sans nom, Muse et donc Fragile. C'est peut-être celui-là que je recommanderais pour vraiment avoir tous les films les moins connus, on va dire, de Balagueró. Surtout que les Rec sont disponibles en Blu-ray en France. Oui, voilà, c'est ça. Et sur plateforme, il est sur Canal. Il est sur Canal, ouais. Et il est sur Shudder aux États-Unis. Oui. Ouais, voilà. Donc Fragile, pour le coup, il est facile à trouver. Mais en France, si je dis pas de bêtises, t'as que un DVD. T'as pas de Blu-ray français. T'as pas de Blu-ray français, non. Donc voilà, vraiment Fragile, c'est je recommande. Et est-ce que tu veux passer au suivant? On passe au suivant. Qui est pas le plus méconnu, mais qui est très intéressant. Non, qui a eu en plus un buzz quand il est sorti. Un buzz Netflix quand même. Hein, c'est... Un buzz Netflix. Tout est relatif. Voilà. Donc, on va parler de Veronica de Paco Plaza. Est-ce que tu veux déjà commencer par outer ta rencontre avec Paco Plaza? J'ai outé ça direct. Paco Plaza, je l'ai rencontré en février, début février de cette année. Donc à la projection de Abuela à la Cinémathèque. Qui est son dernier film. Qui est son dernier film, ouais. Ouais. Et qui est bah, adorable en plus. D'ailleurs, j'ai eu la surprise. En fait, quand j'ai pris mon Blu-ray pour revoir Veronica, j'ai sorti le disque, je l'ai mis dans le lecteur comme ça, j'ai pas fait gaffe. Et en rouvrant la boîte, je tombe sur la dédicace de Plaza, je fais oh putain, c'est vrai! C'est vrai que j'ai fait signer ce truc! Non, et non, c'était cool. Et il est adorable en plus. Et il parle. Mais lui, bah, Yagero parle très bien français en plus. Ce qui est toujours bon à prendre. Oui. Et donc c'est réalisé donc par Paco Plaza, qui a réalisé Rec 1, 2, 3, enfin qui a co-réalisé Rec 1 et 2, qui a réalisé Rec 3 seul. Qui a réalisé Les Enfants d'Abraham, ah, que je qui est pas. Un de ses premiers films je crois, et qui a également fait Roma Santa, ou la, je crois que c'est la secte des loups, ou le pacte, non pas le pacte des loups. Non, ça c'est mais, que ouais ouais, c'est, il a réalisé un truc, c'est des loups, qui était pas dégueu dans mes souvenirs. L'Enfer des Loups. L'Enfer des Loups, voilà, pardon. Roma Santa, L'Enfer des Loups, qui était pas dégueu, mais que faudrait que je revoie, parce que je sais qu'il a une réputation assez mitigée. Mais surtout, récemment, il avait buzzé pour La Abuela. Pour La Abuela, et donc pour Veronica. Veronica, qui, quand il est sorti, s'est quand même tapé une réputation de film le plus flippant qui existe. Oui, mais ces réputations-là, ça c'est basé sur quoi, tu vois? C'est basé sur le public Netflix, le même public qui va te dire que ce putain de film turc, dont j'ai aucune envie d'essayer de bien prononcer le nom... 7 Kogustaki Muchize. Voilà. De rien. Voilà, qui s'est tapé la protection de putain, c'est le film le plus touchant du monde! Alors qu'il suffit d'avoir vu La Ligne Verte ou d'avoir vu le film coréen dont il est tiré. J'suis pas fan de La Ligne Verte. J'adore La Ligne Verte. Abril Los Ojos. Allez hop là! Je repasse une couche. Mais non, mais pour les films du même genre, les films carcéraux, les drames carcéraux. Ouais, l'original, je préfère l'original coréen, que je trouve plus fin. Que j'ai pas vu, mais juste La Ligne Verte quoi. Mieux, ouais. Le problème, on en parlera peut-être un jour, mais La Ligne Verte, enfin, je le raconte tout de suite. En fait, le problème de La Ligne Verte, c'est que je l'ai lu, en fait, je l'ai lu, mais à la semaine. Lorsqu'il est sorti, t'avais un chapitre par semaine, et du coup, t'avais vraiment un côté attente, où tu savais pas comment ça allait se finir. Et le problème, c'est que j'avais pas ça dans le film. Et du coup, la première fois que je l'ai vu, j'ai juste pas aimé le film. Mais je le reverrai un jour. Il est là, on l'aura dans un coffret Stephen King. Je le reverrai peut-être un jour. On fera un épisode Stephen King, et ce jour-là, je ne prendrai aucun film de Tom Holland. Ceci est une promesse. Mais de toute façon, il a... Tom Holland ou Mick Garris. Je prends aucun des deux. Et c'est sur Tom Holland, à part... Les Langoliers. Ah ouais, La Peau sur les Os aussi. Ouais, il en a fait pas mal. C'est les deux compères fans des adaptations petites bites de Stephen King. Globalement, c'est... Parce que les adaptations grosses couilles, il y a Darabont. Je prends The Mist, en noir et blanc. Allez, hop là. De rien. Mais bref, sur Veronica. Véronica. Je serais curieux de savoir qui a fait la photo du film, parce que j'ai des choses à dire. Au scénario, donc, on trouve Paco Plaza et Fernando Navarro, qui était scénariste sur Muse, donc de Balaguero, et sur Vénus, le prochain Balaguero, avec l'actrice de Elite. Je l'attends comme jamais. Vénus, les premiers retours disent que c'est génial. Enfin, génial. Disent que c'est du niveau des premiers. Il sera au pif. Je le vais le voir. Non, honnêtement, vraiment, c'est Vénus. C'est Muse. J'en parle rapidement, mais ça avait été une sacrée déception parce que nous, c'est super bien mis en scène, mais tout le reste, c'est... Balaguero sait diriger des acteurs, là, j'ai l'impression qu'il n'avait pas envie. Et Vénus, j'avoue, j'ai de grosses attentes en lui pour qu'il remonte un peu le niveau, quand même. Donc, c'est aussi coécrit par Coral Cruz, qui n'a rien fait de notable. Le frère de Pénélope. Non, le frère de Règlement de compte à Oka. Voilà, pour les fans de vieux western. Donc au cast, on retrouve globalement une seule personne, hein, c'est-à-dire le reste du cast, on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est l'actrice de Véronica. Je te permets pas de dire ça. Pourquoi ? Parce que sa mère est jouée par Anna Torrent, l'héroïne de Thésis. Ok. Non, c'est à part Véronica, globalement, on s'en branle. Mais la mère, déjà, elle est très absente dans le film. Oui, mais elle est jouée par Anna Torrent. Okay. Donc on retrouve Sandra Escacena, donc dans le rôle de Véronica, qui est joué dans un court-métrage qui s'appelle Hug, qui est pas bien. Mais qui n'a jamais repris après, j'ai l'impression. C'est ça. Ce qui est dommage, quand même. Après, elle est assez jeune, hein. Elle est mineure, je crois, dans le moment du tournage. Hein. Oui, parce qu'elle est née la même année que moi. Je crois qu'elle est née en 2001. Ouais, donc, et le film est sorti en 2017, donc on peut supposer qu'elle avait 15 ans, 15-16 ans. Ouais, bah son personnage dans le film vient de rentrer au lycée. Putain, bah c'est un parti pris original, j'en parlerai, j'ai noté 2-3 trucs là-dessus. Donc le reste du cast n'est pas très important, puisque tout le film tourne autour de Véronica. mais je retiens quand même, juste pour le charisme, Consuelo Trujillo en Sœur Morte. Oui, qui est crippante, qui est creepy, qui est assez creepy, qui a vraiment un côté vraiment malsain. Ouais. Et donc il y a eu une bonne sœur aveugle, qui a eu une prestance mais de fou. À la musique, on retrouve Eugenio, je pense que ça se dit, Eugenio Mira. C'est un épisode amusant sur les prononciations. Quand on va aller, tiens là encore c'est l'Espagne, mais quand on va aller genre l'Allemagne, la Finlande, Chine. Ouais, alors putain. Je milite pour qu'on fasse un épisode chinois, mais que ce soit Choi Ark, ce que vous voulez, je prends n'importe quoi, n'importe qui. Mais là, à ce moment-là, pour dire... Attends, il y en a, ça va, tu vois, John Woo, John Ito, ça on sait dire, tu vois. Mais quand on va arriver sur les trucs un peu plus... tu vois, les films de Dante Lam ou quoi, dire les noms des chefs-op, ça va être technique. Hein. Voilà, qui n'a rien composé de Marcon, qui est aussi réalisateur et qui a surtout composé la musique de ses propres films, en fait. Ouais, je suis en train de voir ça. Visiblement, il y a aussi un compositeur qui est donc Chucky Namanella, hein, qui a aussi bossé sur Los Chronocrimines de Vigalondo, toujours. Ok. À la lumière, on a Pablo Rosso, qui a composé la musique de N'écoute pas, de Vénus, aussi. Et qui a fait la photo de... J'ai dû composer, non Ouais, t'as fait composer. Qui a fait la photo donc de N'écoute pas, de Vénus, de Tous les Recs, de Malveillance, de Saint-Ange, de Pascal Laugier. C'était surtout Saint-Ange que j'avais en tête. Que j'ai pas vu. Qui... Un film assez imparfait parce qu'il a les tics du premier film, à savoir vouloir faire avoir des références en tête que t'as du mal à digérer, mais visuellement c'est sublime. Enfin, ça rend des images vraiment assez dingues. Et donc, OFX, on retrouve en superviseur des FX mécaniques Raúl Romanillos, donc qui a fait les FX de La Abuela, de El Buen Patron. Ah, qui est sorti pas loin, il y a pas longtemps avec Javier Bardem là. Ouais, qui. Alors, je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Mais juste quand il était au ciné en France, j'étais en Espagne à ce moment-là et il était sorti en Blu-ray en Espagne. Ouais, mais c'est, donc ça, c'est doux, c'est les temps d'achat, où je suppose des distributeurs ou autre. Ouais. Kingdom of Heaven. Qui est un excellent film en version longue. En version courte, ça galère un peu. Que j'ai pas vu. Je trouve qu'en version longue, c'est génial. J'ai pas vu le film. On revient à The Machinist. J'ai l'impression qu'il y a un. Tu l'as vu, The Machinist ? Non. C'est pas mal. Et Parle avec elle de Almodovar. Qui est toujours super, ça n'a pas changé. Que j'ai pas vu. Et donc, le petit trivia aussi, c'est que ce film est tiré d'une histoire vraie qui est officiellement le seul cas de... Le seul cas de paranormal recensé officiellement par la police espagnole. pour le coup, après, les films basés sur des histoires vraies, j'avoue que je m'en méfie toujours un peu. Mais là, oui. Le fait que ce soit officiel, enfin, que ce soit par un organisme officiel comme la police, après, les Espagnols, on parlera des Espagnols et de la religion quand je parlerai de l'Elementary. L'Elementary, ouais, qui est... Il y a un passif, oh, léger. Si léger, le passif. Et on parlera aussi du Pays Basque quand je parlerai d'Elementary, ça c'est... Ça va être rigolo, je te cache pas, c'est toi qui dis le nom du chef op sur Elementary, hein. C'est toi qui t'amuses, hein. C'est toi qui t'es mis dans la merde. Je te laisse démarrer sur Véronica. Voilà, donc Véronica de Kessakos, donc c'est Véronica qui est une adolescente qui a à peu près 15 ans, dans le film, je crois, à qui il arrive des phénomènes paranormaux un peu flipounets, après une séance de Ouija qui a mal tourné. Voilà, c'est, elle fait une séance de Ouija lors d'une éclipse et ça part en couille. C'est ça. Voilà. Mais des bonnes couilles, hein. Tu veux démarrer ou j'attaque? Moi, je te cache pas, je suis mitigé. Donc si tu veux, si t'es plus sympa que moi, est-ce que tu veux? Je vais être plus sympa que toi. Tu veux que je démarre? Vas-y, démarre. Alors déjà, petite anecdote amusante, j'étais persuadé de l'avoir vu, et en fait non, faut savoir que je le confondais avec les dossiers secrets du Vatican. Ah mais c'est nul ça. Ah qui est très mauvais. Hein, qui est très mauvais. Mais alors, je l'avais vu en salle à l'époque. Ça pour le coup, c'est collector parce qu'il est pas resté longtemps. Alors faut savoir ce film alors. Il est vendu comme un film flippant, c'est... Faites pas la même connerie que moi, c'est pas un Conjuring-like. Déjà. Donc c'est sans doute le film qui m'a le moins emballé, donc c'est pas un mauvais film, c'est-à-dire qu'en fait, tout semble calculé pour donner l'image d'un film terrifiant, mais je pense que Paco Plaza, c'est pas ça qu'il avait en tête, ou alors il a raté son objectif. Parce qu'en fait, donc le film s'ouvre sur le fameux argument de l'histoire vraie, et j'ai la sensation qu'il veut coller à cette optique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus, je trouve, à un drame fantastique qu'à sur un personnage en proie à ce qui semblait être des apparitions fantastiques, et plus qu'à un vrai train fantôme. Alors, si je commence par les points positifs, allez, donc la performance de Sandra Escacena en Véronica, alors j'ai vérifié, elle avait 16 ans à l'époque, okay. Et je la trouve vraiment géniale, c'est-à-dire que c'est enfin un film qui a une gamine en héroïne principale, et ça s'en sort super bien, elle est vraiment très très convaincante dans le rôle. On la suit à fond dans les scènes dramatiques. Le choix de Plaza de ne pas tomber dans la facilité en faisant du jumpscare à outrance ou de la surexplication, qui est une démarche qu'on retrouve un tout petit peu dans La Abuela. T'as plus ça, c'est pas trop, mais t'as un peu plus ça quand même. Et le scénario à taille humaine, qui, là où beaucoup de films d'exorcisme, alors moi j'avoue que je suis pas très fan de films d'exorcisme, je trouve parfois ça un peu chiant quand même. Il y en a qui fonctionnent très bien, j'adore notamment The Medium, qui est sorti il y a pas longtemps, que j'avais trouvé vraiment très efficace. J'ai pas vu, mais j'aime beaucoup, alors pour quitter un peu l'hécato et partir sur le judaïsme, j'aime beaucoup Posséder. Ouais, ça tu m'en avais parlé, qui était pas mal, qui était vraiment pas mal, qui était vraiment vraiment pas mal. Mais donc tu vois, en fait je trouve que le scénario à taille humaine, c'est en fait là où beaucoup de films d'exorcisme, justement tu sais, souvent aller dans la surenchère, te montrer des trucs qui vont dans tous les sens, des effets parfois outranciers, voire ridicules. Je trouve que ici on reste dans quelque chose de plus terre-à-terre, moins ostentatoire, ouais. Mais je trouve que c'est peut-être là où il y a également le revers de la pièce, parce que cette volonté de toujours ramener le film à quelque chose de très terre-à-terre va l'empêcher, selon moi, d'atteindre des sommets d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui m'a fait flipper, c'est celle avec le fantôme du père, qui apparaît dans un coin de la pièce. Et à part ça, je trouve ça... Oh la vache. Je trouve ça un peu... Bah, là où Fragile m'a vraiment, vraiment bien, bien fait flipper sur sa fin, là, j'étais moins pris. Et je trouve que la dramaturgie est pas assez poussée pour pouvoir me prendre. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le film dure 1h45. Et j'avoue, j'aurais aimé un peu plus de spectacle. J'aurais aimé un peu plus de trucs à me mettre sous la dent. Surtout sur 1h45, en fait. Tu vois, sans aller jusqu'à un James Wanisme de vraiment montrer des fantômes dans tous les sens, ou un truc à la Del Toro de te balancer des monstres avec des super costumes, mais peut-être plus comme un Balaguero, où vraiment, tu vois, Balaguero, dans Fragile, lorsqu'il te montre le fantôme, il te le montre et il va vraiment à fond. Ouais. Je trouve qu'ici. Et quel fantôme, putain! Ah, ouais, quel fantôme! Et c'est un peu plus doux, et. Allez. J'out que mon divulgation comme un bâtard, il y a un putain de twist du style c'est moi depuis le début, et je déteste ces twists là, et vraiment j'ai vu ce twist, j'étais juste en mode voilà. Après, c'est pas du tout un mauvais film à nouveau, il y a un sous-texte que je trouve très vraiment plutôt bien amené sur l'isolement, la volonté d'ancrer l'histoire dans une réalité sociale, ce qui est vraiment pour moi la grosse force du film, avec une jeune étudiante qui n'est pas parfaite, qui doit gérer ses frères et sœurs en l'absence de sa mère. Là, qui est quasiment une mère de supplication, en fait. Exactement, au début j'ai cru que la mère était morte. Donc en fait, je peux pas dire que c'est un mauvais film, mais c'est un film qui a pas su me convaincre, la faute à un rythme que je trouve vraiment en dents de scie, entre scène d'école, scène de fantôme, entre guillemets, scène d'école, scène de fantôme, entre deux apparitions, et une volonté de toujours amener le film à terre, qui est compréhensible, volonté qui est cohérente, mais qui m'a pas séduite, mais ça reste une proposition que je trouve vraiment extrêmement intéressante, et je suis très content de l'avoir découvert. Et bah tant mieux. Voilà, c'est... Est-ce que toi, Véronica, du coup, t'as plus emballé que moi ? Parce que moi, honnêtement, à part la scène du père, j'ai pas trop flippé. Genre, je t'avoue que, putain, la scène du père, là, tu m'en reparles, elle est... Surtout, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jumpscare putassier. C'est ça, c'est pas putassier, c'est... C'est un plan fixe sur un... Bah attends, il y avait un commentaire Letterboxd là-dessus qui m'avait fait rire, c'était... comment on pourrait rendre le fantôme flippant ? Et si c'était son père ? Ouais, mais encore. S'il était à poil. Mais ouais, juste, surtout, le fantôme, il est là, dans un coin de la pièce. Et il s'avance tout doucement, mais c'est... Tu sais, c'est cette démonstration de faire du flippant, faire du fantastique avec très peu. T'as pas besoin de 12 000 essais, ouais. Juste d'une idée, d'une mise en scène, et c'est parti. Faut vraiment que tu vois abandonner aussi, je pense que ça pourrait te plaire. Mais donc, Véronica, en ce qui me concerne, je trouve là que la réputation du film... est un peu erronée. A été... Pour citer une phrase assez connue, les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées. Voilà, les rumeurs de film le plus flippant du monde ont été grandement exagérées. Après, pour le coup, le problème de ces rumeurs-là, c'est sur quoi c'est basé finalement. Parce que public Netflix. Bah, c'est pas tant ça. C'est que, tu vois, typiquement, moi je sais que les trucs de fantômes à la fragile, ça me terrifie. Là où les trucs à la Paranormal Activity, j'en ai rien à foutre. Et je sais pour le coup qu'il y a des gens, Paranormal Activity, je connais quelqu'un, dont je suis assez proche d'ailleurs. Paranormal Activity 1 lui fait avoir des crises d'angoisse. Paranormal Activity 1 le met vraiment extrêmement mal à l'aise. Mais il y a des gens que Blair Witch terrifie, par exemple. Ce qui peut se comprendre aussi, le côté indicible, tu vois pas, etc. Mais tu vois, du coup, je trouve que ces rumeurs, c'est souvent ça, c'est comme les trucs, le film le plus choquant de tous les temps. Sur quels critères ? Sur certains, ça va être Serbian Film, sur d'autres, ça va être des saloperies, l'auteur de The Middle ou des conneries comme ça, tu vois. C'est toujours... Alors, ce qui me concerne, je crois que c'est salaud. Moi, je sais pas. Pour moi, Necromantic 2 est un très beau film. Alors que... compliqué, tu vois. Ouais. C'est ce genre de rumeur, tu te dis, mais à quoi ça sert ? C'est... Je dirais pas public Netflix, je dirais plutôt public Twitter. Parce que sur Netflix, je pense que tout le monde qui regarde ne va pas se dire ça, mais je pense que c'est ceux qui vont les beugler sur Twitter. Ah. En espérant que le réseau social disparaisse vite. Ouais, tu vois, je porte des messages forts. Et donc, je te laisse sur Véronica. Voilà, donc. Même si la réputation a été quand même grandement exagérée, le film... est quand même flippant. Oui, ça reste un bon film, juste que moi, il m'a pas emballé, en fait. Et Plaza confirme que, pareil que Balaguero, il sait quand même mettre en scène de la peur, quoi. C'est Paco Plaza, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que ça a été longtemps l'homme d'un film, donc Rec. Ouais. Parce qu'après ça, donc, il a fait Rec 2 aussi, il a participé à Rec 2, qui est pas mal. Il a co-réalisé Rec 2 avec... Rec 3, que moi j'aime bien, mais qui est plus une comédie. Alors je crois l'avoir jamais vu en entier. Une comédie gore qui est pas mal. Et tu vois, Les Enfants d'Abraham... C'est quoi, je vais me le mater après. Les Enfants d'Abraham, personne connaît. Roma Zanta, personne connaît. Il est revenu sur le devant de la scène avec la Abuela. Tu vois, c'est... Avec Véronica et puis après avec la Abuela. Oui, mais c'est surtout la Abuela qui a fait un parcours de festival où Véronica... Je suis pas sûr, il a fait des festivals, Véronica ? Il a fait... Il me semble qu'il a fait Sitges. Il a fait Sitges, ouais, forcément. Parce que les Espagnols sont chauvins. Mais... Déjà, c'est pour ça, pour le coup, tu vois, il confirme qu'il s'est filmé, mais je vous demande, est-ce qu'il veut faire un film effrayant en faisant Véronica ? Alors, il a fait le TIFF, Véronica, il a fait le Festival de Toronto, il a fait le Festival de Londres, et c'est tout. Il a fait Morbido au Mexique. Mais est-ce qu'il veut, et tu vois, je me demande, est-ce que Paco Plaza veut faire un film effrayant quand il fait Véronica ? Parce que, vu la façon dont il filme son personnage, j'ai plutôt l'impression qu'il veut faire un drame humain. Un drame avec des éléments fantastiques. Il y a un peu de ça. Et on y revient, mais Sandra Escafena, qui est hallucinant, qui porte le film. C'est comme celui qui joue Angelo, pourquoi on les a pas revus après, en fait. Je sais pas. Mais donc, ouais, qui porte le film, tout comme elle porte sa famille, d'ailleurs, tout comme Véronica porte sa famille, c'est elle qui... c'est elle le pilier, parce que sa mère bosse dans un bar jusqu'à super tard. Ouais, et elle doit s'occuper de ses petits frères et sœurs et autres, et... Et on voit du coup que le premier victime du démon, c'est pas tant elle que vraiment plus sa famille. C'est ça. Notamment avec la petite sœur qui se fait étrangler, le petit frère dans le bain. Ouais, c'est ça. Après, pour le coup, j'ai bitché sur le fait que le twist du « en fait, c'était moi depuis le début » est mal et mauvais. C'est juste moi qui aime pas trop ces twists. Dans les faits, dans le film, c'est pas si mal amené. Oui. C'est même plutôt malin dans ce que ça dit, étant donné que elle veut trop en faire pour sa famille. Tu peux avoir une lecture comme ça qui est pas mal. Et ce qui rend son implication du coup encore plus touchante quand elle essaie de les protéger du démon qui s'en prend à eux. Surtout quand tu sais qu'au final c'est elle qui s'en prend à eux. Elle, le démon, ouais. En parlant de scènes d'angoisse, elles sont... En parlant des scènes... Tu cut. T'inquiète pas. Et en parlant des scènes d'angoisse, elles sont très efficaces, notamment bah, on avait la scène du père. Mm-hmm. Mais aussi, je pense notamment à la scène avec cette espèce de truc qui fait des lumières de plusieurs couleurs, là. Dans la chambre des gamins. Ouais, dans la chambre des gosses. Ouais. Il y a ce truc-là qui est bien, bien flippant. Même les ombres. Tout, ouais, il y a un, travail de l'ombre. La lumière dans le film est très belle. Ouais. Surtout la lumière qui est... C'est dans un appart, c'est qu'un quasi huis clos pour les scènes d'angoisse, et ça, la lumière est très propre. C'est vraiment... Question, c'est un film qui a été produit par Netflix ou qui a été uniquement acheté Monde par Netflix ? Ah non, il n'a jamais été produit par Netflix. Ok, donc il a été uniquement acheté Monde par Netflix, parce que Netflix a exclusivité, je crois. Mais il est sorti en salle en France. Ça, je sais pas. Mais je l'ai vu en salle en France quand il est sorti. Il est sorti en salle, il est sorti en Blu-ray. Je savais pas du tout. Non, il est sorti. Non, il a jamais. Je sais que je l'ai en Blu-ray. Mais il est facile à trouver. Il est facile à trouver. Oui, lui. Bah il est là. Il est là. Mais donc ouais, et t'as surtout tous ces jeux de caméra avec ces panoramiques et ces travelling très lents à chaque fois, comme si la caméra elle-même était une sorte de fantôme qui est très efficace là encore aussi. Et t'as l'angoisse qui monte petit à petit comme si le démon qui prenait Véronica pour cible avait besoin de temps un peu pour s'installer dans la maison. Ça, c'est un trope qui commence à m'énerver. Ces démons qui veulent juste faire flipper leurs victimes. Bah, c'est pas tant qu'au début ils veulent juste faire flipper, mais tu sais, c'est un peu comme Pennywise qui d'abord effraie, qui se nourrit de la peur et qui ensuite va. Ouais, mais ce que. C'est jamais explicité. Je sais qu'il y a pas longtemps, pas plus tard que hier, je me suis fini la trilogie, de me refaire la trilogie, grandiose trilogie Annabelle. Et qui contient un bon film et demi. Ouais, un bon film de tiers. Ouais, 0,75 bon film. Hein. Même le 2, voilà. J'aime beaucoup le 2 et je trouve le 3 sympa. Bah, le problème avec le 2, c'est que les personnages sont teubés, en fait. T'as des beaux effets de réalisation, mais en termes d'écriture, c'est quand même vraiment bien. Ouais, il y a David Sandberg aussi. L'homme d'un film, hein. Pour moi, c'est celui-là, l'homme un peu dans le noir, mais après Shazam, il peut aller se faire foutre. L'homme d'un court-métrage, surtout. Ouais, je déteste Shazam. Mais ouais, dans le noir, qui est très bon court-métrage. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais dans Shazam, dans une des scènes au début où le gamin. Braque des trucs, enfin vole des trucs. Tu vois la poupée Annabelle dans une armoire. Dans une ouais, j'avais vu ça, mais pour le coup. Et tu vois Annabelle dans Aquaman aussi. Et, ouais, en fond à un moment rapidement. Et dans Annabelle 3, t'as ce même problème qui est les démons qui pourraient se débarrasser des potentielles menaces que représentent les personnages, mais qui non, vont juste jouer avec eux, et c'est vraiment un truc que je commence à me dire, mais putain, arrêtez avec ça. Et dans Véronica, t'as un peu ça. C'est-à-dire que t'as un peu ce côté. Je tue ta famille, et en fait non, et en fait si, et en fait non finalement. Et sur 1h45, je me disais, putain, mais quand est-ce que le démon fait un truc? Après, c'est juste moi qui me disais, mais... Ah. Et je te laisse reprendre tranquillement. C'est ça. Mais il y a surtout ce climax. Ouais, le climax, c'est bien. Avec, dans l'appart. Avec la Véronica qui est complètement tordue, et où tu vois l'espèce de démon lui entrer un bras dans la bouche. Ouais, ça, c'est efficace. Ça, j'aurais aimé que ce pétage de câble arrive plus tôt, potentiellement, dans le film. Mais, pour le coup, si vous avez vu Ouija les Origines, ça vous rappellera une certaine scène de Ouija les Origines. Ouais, j'y ai aussi pensé un petit peu. Maintenant, je t'avoue, je trouve ça plus efficace dans Véronica. Parce que, à nouveau, t'as eu plus de construction, qui fait que quand d'un coup ça arrive, tu fais « Waouh !» Ouais, mais dans Ouija les Origines, ça arrive genre au premier tiers. Oui, mais Ouija les Origines a un côté plus roller coaster. Oui. C'est aussi ça qui... Du coup, amoindrit les effets. Mais c'est pour ça que ma question que je me pose, c'est est-ce que Plaza a vraiment voulu faire un film flippant ? Parce que, étant donné qu'il est vraiment avec parcimonie ses effets fantastiques, c'est-à-dire qu'au total, le fantôme sur 1h45, tu dois le voir quoi ? 20 minutes ? Peut-être 30 minutes à tout péter. Hein. Ouais. Mais du coup, le fait qu'à la fin, il y a un aussi gros pétage de câble, je me dis est-ce qu'il a pas voulu faire un drame social pour à la fin finir sur un élément fantastique ? Parce que s'il a voulu faire un film effrayant, perso, c'est raté. C'est ça que c'est. Ça, c'est juste la question. Je pense que c'est une question légitime. Je me demande juste, est-ce que son objectif c'était de faire un film à la Conjuring où vraiment ton objectif c'est un train fantôme et c'est ton objectif c'est de faire peur, ou est-ce que c'est plutôt de faire un film à la Fragile ou à la entre guillemets espagnole avec des guillemets où tu veux d'abord te centrer sur la dramaturgie autour de tes personnages pour les mettre dans un contexte fantastique qui les confronte alors à des difficultés ou à des événements surnaturels. Ça, c'est juste... J'ai pas de réponse. Bah non, c'est intéressant comme question. Ça mériterait. Parce que pour moi, c'est la deuxième. Non, toi, peut-être que tu vois plus ça comme un train fantôme. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Peut-être pas un train fantôme, mais plus un film où vraiment l'angoisse a une place assez importante. Bah, en termes d'angoisse, on serait plus proche. sans une décision aussi absolue, tu vois, mais d'un Paranormal Activity qui va vraiment économiser ses moyens pour te proposer une horreur du quotidien, c'est-à-dire te faire flipper avec juste des éléments du quotidien qui changent, tu vois, genre le côté quand elle a la cuillère dans la bouche de viande. Ouais, c'est ça, et tu te dis ça va partir en couille, tu sais pas trop. Et c'est vraiment des éléments du quotidien qui va transformer pour les transformer en truc d'horreur. C'est ça pour moi qui va vraiment. Vraiment, c'est une question à se poser. J'ai pas de réponse. Je serais curieux de lui poser la question un jour, de lui dire qu'est-ce que t'as voulu faire avec Véronica à ce moment-là. Il me dirait j'ai voulu faire une comédie. Je suis en mode d'accord. Wesh Paco, t'as voulu faire quoi? Wesh Paco, c'était quoi le plan? Bah, déjà, en termes de comédie, est-ce qu'on en parle quand même de Massacre à la tronçonneuse? Ouais, alors pour moi, c'est jamais une comédie. Jamais. Bah, ouais, mais pourtant, c'est ce que Hooper a voulu. Ouais, non, mais à la limite, le 4 ou le 2, mais le 4, mais c'est... Ouais, mais surtout que du coup, il a fait le 2, il s'est dit, je vais pousser les potards comiques à fond. Et le 2 est une comédie, pour le coup, le 2 est une comédie, et le 4 me fait beaucoup rire. Le 4 qui est disponible en Blu-ray espagnol, avec la VF. Mais les pros pour éditer des Blu-ray, c'est les Allemands. Les Allemands, ils éditent tout en Blu-ray. Oui, mais les Allemands, ils éditent que avec la version allemande et la VO. Ouais, mais ils ont édité I Am a Hero. Que c'est surprenant. Et je crois qu'ils ont édité Necromantic aussi, hein. Le 1 comme le 2. C'est chez eux. Par contre, je tiens à dire quand même que Arthur Malédiction est sorti en Blu-ray seulement en Allemagne. Ça ne l'achetez pas. Parce que nous, on va le faire, parce qu'on est des connards. Ouais. Des gros connards. Non, honnêtement, c'est quand même compliqué, ça. Je me permets de zioter tes notes. Véronica évite les écueils du catoporn. Oui! C'est ça aussi, j'en peux plus des films qui sont catoporn à balles. Et d'ailleurs, qui sont en mode tu as pêché? Bah écoute, tant pis. Putain, c'est que ça commence aussi à être légèrement mon problème avec Scott Derrickson. Ah ouais? Ouais, je trouve. Bah, Black Phone, t'as ça? Ah si! Ah si! La petite sœur! Quoi, la petite sœur? La petite sœur qui est à chaque fois en mode Jésus et tout ça, et qui est oui. Si tu as pêché, tu es condamné. Ça, Hellraiser 5, t'as ça. Ah, j'ai pas vu. Balle, Hellraiser 5, t'as ça, balle. L'exorcisme d'Emily Rose. Oui, mais en même temps... Voilà. Délivre-nous du mal, bah tout est dans le titre. Tiens, mais c'est un bon mec, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il est un petit fou un peu. Tu sens qu'il est fier de ce qu'il croit, tu vois, tu sens qu'il est fier. C'est juste ça, parenthèse sur Scott Derrickson. Vous voyez Shadowcrawler. Shadowcrawler, et qui est à l'affiche du prochain VHS. Oui. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va proposer en fin de footage, quand même. Putain, prochain VHS, on a quand même Scott Derrickson et David Bruckner. Si jamais il est raté, je pète un câble. Tac. Est-ce que tu as terminé sur Véronica? Mais non, bah juste, t'as jeté mes notes, mais donc... oui, bref, Véronica, c'est un film d'horreur qui peut avoir quelques longueurs, aussi. C'est mon problème, c'est qui gère mal son rythme, en fait. Mais qui, je pense, satisfera quand même beaucoup d'amateurs de films d'horreur. Bah en fait, c'est une proposition, c'est-à-dire que la volonté d'ancrer le personnage, le film dans un point de vue très humain et dans une réalité sociale... Et très quotidien aussi. Très quotidien, exactement, fait que t'as pas l'habitude de voir ça. Et ça, c'est pour ça que L'Exorcisme des Mini-Rose, je trouve pas le film parfait, mais je le trouve intéressant parce que ça a changé des énièmes films d'exorcisme ou quoi, en le mettant dans une... Dans un contexte de film de procès. Pareil pour Le Dernier Exorcisme, le 1, pas le 2. Hein. Mais qui est pas un film exceptionnel. Le 2 qui est écrit par Damien Chazelle. Ouais, c'est toujours dur de savoir ça. Et tu vois, le 1 qui est pas un film exceptionnel, mais qui a un fin de footage, et du coup, ça va donner un nouvel aspect, un nouveau regard sur le film d'exorcisme. Ouais. Après, t'as l'exorcisme au commencement. Au commencement, le truc de Rainier Lynn avec Stellan Skarsgård qui joue à Dragon Ball avec Pazuzu. Faut le voir pour le croire, hein, c'est vrai. Je veux voir ça. Ah, mais c'est fabuleux, c'est Dragon sur, Ball. Sur le site, on fera un jour une rétrospective l'exorciste. Ouais, mais on n'est pas prêt encore pour cette cascade. Ou alors peut-être qu'on en fera un épisode. Je prends le 3, le commencement et la série. Et bah du coup, il reste le 1, le 2 et Dominion. Allez, amuse-toi bien. Tac, alors sur Véronica, sur la disponibilité, c'est peut-être le plus simple à trouver, je pense. Blu-ray français chez Wild Tide. Et sur Netflix. Bah, je crois pas, justement. Il est sur Netflix allemand. Allemand peut-être, je crois pas qu'il soit sur Netflix français. Il me semble, en tout cas, moi, il est sur Netflix allemand, et il y a le Blu-ray et DVD français, et il est pas sur Netflix français. Il est pas sur Netflix français, non. Mais voilà, Véronica, c'est ma foi une proposition fort intéressante. Oui. Est-ce qu'on approcherait pas du dernier film? On approche du dernier film. Avec le truc que t'as sorti, mais du trou du cul, je sais pas d'où tu l'as sorti, ce truc. Alors... je vais faire un big up à une personne qui n'écoute probablement pas ce podcast. Parce qu'il déjà, c'est pas bien. Parce qu'il n'a sûrement pas connaissance que je fais ça, mais donc à mon grand-père. Bisous à lui. Voilà. Donc mon grand-père basque, Aitani. Qui veut, c'est, je tiens grand-père en basque. Mais donc, on va parler de Erremontari, le forgeron et le diable. Est-ce que t'as pas le titre espagnol de complet en espagnol ou en basque? Parce que je veux devoir le dire comme en entier. Est-ce que tu n'as pas le titre complet? Oh si, je peux le trouver. Donc, en Espagne, il s'appelle Erremontari, El Herrero y El Diablo. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Ou dans son titre international, Erremontari, The Blacksmith and the Devil. The Blacksmith and the Devil. Qui est sur Netflix. Qui est distribué à l'international sur Netflix. Qui est Netflix Monde. Voilà, qui est sorti à l'international sur Netflix le 12 octobre 2018. Mais qui avant ça avait fait quelques festivals, qui avait fait CJS en Espagne en octobre 2017. Donc un an avant. Et qui est donc un film donc réalisé par Paul Urquijo Alijo. Allez, amuse-toi bien. Donc il est en train de bosser sur un... Enfin, il bosse sur un film qui vient de sortir. Un film sur le folklore basque qui s'appelle Irati. Et qui est... c'est un premier long. C'est-à-dire qu'il avait fait des cours avant. C'est ça, mais donc Erremontari, c'est son premier long. C'est premier ça. Long, bien sûr. Il a écrit le film en compagnie de... Il va être long celui-là. Allez, amuse-toi bien, on annonce. Allez, vas-y, bon courage. En compagnie de Asier Guerica Echevarria. En un seul mot, Guerica Echevarria. Bravo. Qui n'a rien écrit de notable après. Au casting, on retrouve aucun acteur connu qui a joué dans un truc marquant, à part Ramon Aguirre, qui a joué dans Casa de Papel, Le Jour de la Bête, Rec 3, Amour de Haneke. Et quand même, big up à celui qui joue le démon, parce que. Ah, il envoie du steak quand même. Ouais, il a de la gueule, il a de la gueule. Le maquillage peut faire un peu carton-pâte parfois, mais ça a un charme. C'est pour ça qu'il a un gros charme. Donc, big up à Eneko Sagardoy, qui joue le démon et qui se donne à fond, et qu'on verra d'ailleurs dans Irati. Ouais, pour le coup, il se donne à fond, c'est il a 300% hein, le démon. Hein, c'est waouh. Il faut savoir que Irati, du coup, ça veut dire un truc genre furieux en basque. Mais je suis très curieux, j'ai mon avis sur le film, je suis très curieux de voir ce qu'il va donner en deuxième long. Voilà, et donc à la musique, on a Pascal Gagné. Non. j'ai mis en notation bas les couilles, parce qu'il a rien fait de... Voilà. Voilà. En lumière, on a Gorka Gomez Andreu, qui fait la lumière de Irati, le prochain film du Real. Il a fait une autre chose ou pas? C'est un premier film en tant que chef-op aussi? Je crois pas que ce soit le premier en tant que chef-op, mais est-ce qu'il a fait d'autres choses de marquantes, c'est ce que... De marquantes, non, justement, sinon j'aurais noté. D'accord, c'était justement pour ça, parce que pour le coup, la photo, c'est peut-être la plus... Ah oui, non, mais la photo est très belle. Elle est magnifique. Il y a ce travail sur la pénombre, sur le rouge à chaque fois aussi, qui est magnifique. J'ai détaillé dans... Avec cette scène de fin complètement hallucinée dans les enfers. J'ai des notes là-dessus, la scène de fin, tu verras, c'est peut-être le seul gros point noir. Oui, il y a un bémol, mais... L'idée est belle, mais tu verras. Aux OFX, on retrouve donc en superviseur des effets spéciaux Mariano Garcia, donc qui a bossé sur Les Sorcières d'Aquelar ou sur Jupiter Ascending. C'est pas les effets spéciaux le problème. Bah, déjà, il y a Eddie Redmayne qui, dans le film, est un problème. C'est Eddie Redmayne. Ouais, Eddie Redmayne quoi. C'est pas pour rien qu'il a joué Stephen Hawking. pas toujours, mais là, on va pas se mentir que. Voilà. Et non, sinon, c'est tout le reste dans le. Surtout le scénario, on va dire. Et Channing Tatum aussi. Et aux animatroniques, on a Ignacio Miguel, donc, qui a bossé sur le film Raula, qui est sorti cette année sur Netflix. Pas vu. Moi non plus. Qu'est-ce que ça cause? Dans un petit village du Pays Basque, un forgeron a fait un pacte avec un démon, mais il le maintient enfermé pour ne pas avoir à payer sa dette. Et jusqu'à ce qu'une petite fille vienne déranger. Vienne foutre la merde. Tu veux démarrer sur Elementary? C'est ça. Alors, j'ai jamais dit en quelle année était sorti chaque film à chaque fois. Je vais juste en profiter pour le faire vite fait là. Fragile, c'était 2007. Fragile est sorti en 2005. Il a fait en 2005 le Festival de Venise. Il est sorti en Espagne. Début 2006, il passe à Gérardmer. Et avril 2006, il est diffusé pour la première fois à la télé en France. Et il sort quelques semaines après en DVD en France. Putain, j'aurais aimé qu'il sorte. On a déjà, genre, il passe à la télé à 20h30. Maman, je vais regarder un film. Scène de fin. Et pour ce qui est de Véronica, il est sorti en Espagne le 25 août 2017 et en France le 24 janvier 2018. Ok. Voilà. Et donc pour Elementary, il a fait Sitges en octobre 2017, Gérardmer en février 2018, il est sorti en Espagne en mars 2018 et il est sorti à l'international sur Netflix en octobre 2018. Et bah écoute, mais pile gusta. Un an après, après Sitges d'ailleurs, 12 octobre à chaque fois. Mais gusta. Voilà. Et donc, tu commences ou je commence ? Vas-y, je te laisse démarrer. Ok. C'est toi qui m'as fait découvrir le film, c'est toi qui démarres. Alors, Elementary, c'est un film que je trouve assez unique dans le paysage horreur, surtout année 2010. C'est un des rares représentants original de folk horror. C'est ça. Donc le folk horror, c'est l'horreur folklorique, c'est qui se concentre vraiment sur des régions que t'as pas l'habitude de voir. Je peux faire une hot take de bâtard. Vas-y. Midsommar en cut de ciné, c'est chiant. Et Midsommar en version longue ? Ça passe, mais ça pompe quand même. Beaucoup The Wicker Man. Ça pompe beaucoup The Wicker Man et ça cache ça derrière une photo. Certes, une photo très belle, mais je te trouve pas ça. Je trouve que c'est un peu surcoté. Là où Hérédité, j'aime beaucoup. Hérédité, c'est incroyable. Hérédité, c'est un de mes films d'horreur préférés. Ah, Hérédité, c'est dingue. Là où je trouve que Midsommar, il y a beaucoup de gens ont fait beaucoup de bruit autour de Midsommar, mais moi j'avoue que je trouve le film formellement inattaquable. Comme oui. Beaucoup de films de... Elevated Horror, je vais aller vomir en disant ça. On partage cet amour pour ce terme. Ce terme de merde, quoi. Et en fait, je trouve que le problème, c'est que je pense pas que Aster soit un mauvais gars. Je pense pas que quand il fasse le film, il se dise « je vais faire mieux qu'eux ». Mais je trouve qu'à l'écran... Plus, pour avoir rencontré Aster, pour avoir été à sa masterclass, c'est pas un mec qui se prend pour plus péteux qu'il n'est, plus ouais. intelligent qu'il n'est. Ouais. C'est pas Robert Eggers, quoi. Là où je trouve que à l'écran, ce qui se ressent, c'est un film qui a vu The Wicker Man plusieurs fois et qui se dit putain, c'est vachement bien quand même, et qui ressort pas mal de concepts de Wicker Man et même de folk horror en général. Mais est-ce que Midsommar serait mieux avec Christopher Lee? Déjà, question ouais. rhétorique, tout serait mieux avec Christopher Lee. Oui, voilà, tu mets Christopher Lee partout. Moi, je veux voir Christopher Lee face aux Gremlins, tu vois. C'est... Je veux voir Christopher Lee faire des gaufres. Ah, mais mec, je veux voir Christopher Lee partout, mec. Tu mets Christopher Lee face à Gripsou s'il faut. Et bref, vas-y, je te laisse reprendre sur Elementary. Donc, c'est un film qui repose sur. Déjà, son originalité, c'est le fait qu'il soit tourné en basque. Ce qui peut, désarçonner. Ce qui peut désarçonner. Alors, j'ai cherché sur IMDb. IMDb, répertory, 64 films. En basque ? Tourné en basque. Mais écoute, plus que 63 ? Non mais c'est très peu, dont Irati dans le lot d'ailleurs. Mais plus que 62 du coup. Mais non mais, 64 films tournés en basque, c'est que dalle. Après c'est peut-être aussi que c'est une région qui a peut-être pas beaucoup d'argent à donner, j'imagine. Hein, c'est. Alors, il y a de ça. Ou alors pas beaucoup de gens qui veulent faire des films, tout simplement. Il y a de ça, mais je vais parler de la fierté des Basques après. Ok. Mais donc, il y a le film, le cœur du film, c'est vraiment son ambiance très, très médiévale, mais avec du coup ce qui est appuyé par des décors de fou, des costumes de fou, des maquillages de fou. T'as parlé de qui est à la production ? De la Iglesia. De la Iglesia, qui est très fier de... Alors, j'en ai parlé vite fait quand on a parlé de Durango, mais... Ouais, qui produit énormément de films, qui a également produit un truc qui s'appelle, je crois, Musarañas. Je vais fact-checker, qui, dans mes souvenirs, était pas dégueu. Je fact-check, je te laisse reprendre, dans mes souvenirs, c'était pas dégueu. Mais donc, ouais, c'est un film qui transpire la paysannerie et l'obscurantisme. Voilà, donc... On va reparler de la religion. Je confirme, c'est bien lui qui a produit Musarañas. Ok. Qui s'appelle Shrew's Nest en anglais. D'accord. Mais donc, c'est dans les petits villages, surtout à cette époque-là, mais même encore un peu le cas aujourd'hui, c'est la religion avait une place vraiment prédominante pour des raisons qui éveillent ma curiosité d'agnostique. C'est-à-dire que juste... Bah c'est que les gens, j'imagine, j'ai pas vécu à l'époque, mais les gens avaient besoin de se raccrocher à quelque chose et possiblement une autorité plus haute qu'eux. Tu as l'idée de savoir que toute ta vie est dirigée ou par quelque chose ou et comment dire ou qu'il y a une forme plus puissante que toi entre guillemets là-haut. Ouais. Ça a quelque chose de rassurant parce que tu te dis que tu n'es pas seul et tu as quelqu'un au-dessus de toi. Ouais. J'imagine. Surtout c'est l'époque où aussi on tordait un peu les préceptes religieux pour les faire rentrer dans les cases qu'on voulait. J'ai dit c'est une époque. C'est toujours d'actualité, hein. Ça, c'est toujours à application variable. Voilà. L'actualité avec la Coupe du Monde dans un certain pays. Nous le remontre encore. Voilà. Commençant par... Cul. Voilà. Comme quoi, c'est raccord. Cet épisode vieillira très mal. Vas-y, ensuite. Voilà, mais donc, surtout que de nos jours, la religion chrétienne, elle est extrêmement présente en Espagne. C'est-à-dire que les Espagnols sont beaucoup plus religieux que les Français, par exemple. Mmh. Et comme quoi, ils doivent peut-être bien aimer le catoporn, on sait pas. Donc, ah, oui. Scott Derrickson doit être une rockstar, ah, oui, là-bas. On parle de catoporn, c'est pas une catégorie sur, alors, sur Pornhub. Alors, le catoporn, ce qu'on appelle par là, c'est vraiment les films d'horreur qui vont faire passer la morale chrétienne pour l'absolu à suivre à tout prix. Sinon, on est hérétique, dangereux, psychopathe, condamné, ce que tu veux. Ouais, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est la nonne. La nonne, après, faut savoir, il y a plusieurs façons de l'aborder. C'est-à-dire que la religion catholique étant, j'imagine, la plus répandue aujourd'hui, ça peut aussi être des tropes, entre guillemets, classiques que tu vas utiliser pour ton film, auquel cas, c'est pas forcément du catoporn. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que la nonne a un truc vachement... genre, il faut que tu te convertisses, ce que tu veux... pour être sauvé, c'est ça qu'on appelle le catoporn, qui, quand il est très appuyé, trop appuyé, est moi, en tout cas, me débecte vraiment. Alors après, il y a aussi le Jewish porn, hein. Oui, non, il y a du porn de tous les... Voilà. Tu peux faire ce que tu veux, hein. Je suis sûr que t'as du Muslim porn si tu cherches, hein. Mais parce que vraiment, je veux dire, faut pas imaginer que les Américains, t'as quand même, genre, les faith-based movies, hein, je veux dire. Non, mais God's Not Dead... Les God's Not Dead, faut les voir pour les croire, les God's Not Dead, hein. Tu sais que je les ai tous vus, ces merdes, hein. Et genre, le 1, c'est déjà difficilement défendable, mais alors le 2, 3 et le 4... Il y a un 4. Le 4, oui, The People. C'est ça? Non, mais c'est-à-dire que God's Not Dead, c'est fabuleux. Faut le voir pour le croire. Vraiment, je vous invite déjà dans le 1, il y a Kevin Sorbo. Si vous voyez Kevin Sorbo aujourd'hui, voilà, ça pose le contexte. Qui? Kevin Sorbo, l'acteur de Hercule. Nanarland a fait un épisode sur lui. Alors, l'acteur de Hercule dans les années 80, 90. La série Hercule, ouais, c'est 90, produite par Sam Raimi, je crois. C'est la chaîne de bataille. Avec pas beaucoup de budget. Bah là, il y a vraiment pas beaucoup de budget. Qui est devenu globalement un born again, comme on dit, et qui a tourné dans Un American Carol, tu sais, donc qui vraiment... Ah, David Zucker. Ouais, il a fait des trucs compliqués, et les God's Not Dead, faut le voir pour le croire, hein. Vraiment, c'est hallucinant, ces films, mais c'est hallucinant de médiocrité. Et puis, je vais pas parler d'un truc qui m'a le plus énervé, un film qui s'appelle I'm Not Ashamed, Je N'ai Pas Honte. C'est un film qui porte très bien son nom, c'est sur la tuerie de Columbine. Allez voir la bande-annonce, c'est tout un poème, hein. Juste la bande-annonce est à vomir. Mais donc, on a parlé de religion. Après, sans apporter un regard moral sur la religion ou pas, oui, on va dire c'est plus les comment ça peut être tourné et comment est-ce que ça peut être interprété qui peut poser problème. Mais par exemple, la gamine dans le film est harcelée parce que sa mère s'est suicidée et que du coup c'est une pécheresse qui est allée en enfer. Exactement. Pour ça. Mais je pense que le film a un fort message anti-religieux, hein, juste pour ça. De serait-ce que par son amour, le fait que la fille va plus ou moins devenir pote avec le démon. Oui. Spoiler à nouveau comme des salauds, hein, mais bref. Mais donc, aussi, il y a un truc, c'est que l'utilisation de la langue basque, c'est pas anodin. Parce que les Basques, comme les Corses, et les Algériens, et les Bretons... Ils ont des bombes. Aussi. Mais surtout, les Basques, c'est fier. Fier d'être Basque. La pelote et la... décorade. Voilà, c'est ça. Non, mais du coup... Et, par exemple, récemment, on a eu les Basquisans, donc qui est un mouvement, enfin, c'est les indépendantistes basques qui ont revendiqué l'indépendance, mais qui le refont depuis déjà un gros moment. Mais voilà, il y a ça qui est quand même très fort au Pays Basque. Et surtout, un truc dont on se rend peut-être pas forcément compte en France, c'est que le basque, c'est très parlé en Espagne. Enfin, plus que c'est très parlé dans le Pays Basque espagnol, plus que dans le Pays Basque français. C'est-à-dire le Pays Basque espagnol, ça correspond à quelle région, que je sois sûr? C'est Bilbao, à peu près. Ok. Voilà, c'est Bilbao. Et c'est-à-dire que si tout ce que vous connaissez du Pays Basque en France, c'est Biarritz, ouais. C'est une belle ville, mais c'est pas représentatif vraiment du Pays Basque. Et si vous allez plus dans les terres, plus dans la Soule, en Soule, je crois qu'on dit, mais... je crois aussi qu'on dit en Soule. Mais vraiment, ça parlera basque fort. C'est-à-dire que mon grand-père qui est basque, lui, à la maison, ça parlait basque. Mais vraiment, ça parlait basque tout le temps. Et il a appris le français à l'école, limite. Voilà, et au Pays Basque espagnol, même dans les grandes villes comme Bilbao, les gens parlent plus basque que français ou anglais. Il y a certaines personnes qui parlent plus basque que français ou anglais. Ok. Et ce qui est quand même très intéressant d'un point de vue du coup analyse par rapport au film. Culturel, ouais. Ouais. Et donc voilà, et donc comme j'avais dit, IMDb ça comptabilise 64 films en basque. Mais après, de nouveau, je pense aussi, c'est peut-être aussi une région qui n'a pas forcément les capacités de production nécessaires. Tu vois, c'est peut-être que des gens nés au Pays Basque vont s'exporter pour aller tourner ou autre. J'imagine, le film là, il a que des fonds basques. Il a que des fonds basques, mais français et espagnol. Voilà, donc c'est quand même, tu vois, ça reste une coprode internationale, du coup. Parce qu'il peut pas sortir ça tout seul. Et donc, pour revenir au film, comme on disait, il vaut le coup d'œil rien que pour ses effets pratiques. Ces images, vraiment. Vraiment, donc les images, quand on dit images, effets pratiques, photos, costumes, décors, lumière, maquillage. Sur la forme, c'est un film. C'est un premier film très impressionnant. C'est pas parfait, j'y reviendrai, mais je trouve que c'est un premier film qui fait preuve d'une envie de fantastique très sincère et qui donne envie vraiment de creuser, de donner une deuxième chance, de continuer à donner sa chance aux jeunes réels. Ouais, et puis il y a ce démon qui, donc, Sartael, ouais. Qui est, mais. Fou! Et qui c'est est le, génial! C'est le démon géant ou c'est le. Non, c'est le démon cool! Ouais, c'est le démon rouge! Ouais! Ouais, lui, il est bien. Parce que moi, le géant, il avoue que je l'ai vu, je suis genre, ah ouais. That's my boy. Mais non, mais oui, même Candido Uranga en Patchy, donc le forgeron, il est. Il a une voix très rauque, très. Il a de la prestance quand il parle. Et même Uma Branagaglia en Uzue, la gamine, qui est bonne dans son rôle, hein, foncièrement. Elle est, qui est une enfant qui joue bien, ce qui est suffisamment rare pour le signaler. C'est ça. Et oui... Ah, attends, j'avais pas fait gaffe, ça. Il y a un certain Inigo de la Iglesia au casting. Sûrement un membre de la famille. C'est ça. Mais donc, ouais, globalement, avec un cast, en plus, qui fait largement le taf. Hein. Qui se tient plutôt bien. Ouais, tous les rôles sont pas à la hauteur. J'en reviendrai dans ce que j'ai écrit. Ouais, il y a certains villageois. J'ai écrit un truc là-dessus. Donc quand t'auras fini, je prendrai le. J'ai fini, je t'en prie. Bah écoute, alors déjà, Fouzard, je connaissais absolument pas ce film. Mais vraiment, c'est-à-dire, j'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais ni l'affiche, ni le titre, ni le rat. Je connaissais rien du tout. Et je dois admettre que j'ai été ultra agréablement surpris par ces aspects de conte fantastique noir. Qui, du coup, met en scène cette jeune fille qui est détestée par les autres membres de sa communauté. Tu l'as dit, la première qualité du film, vraiment, c'est sa photo. C'est-à-dire qu'il y a des images de forêt absolument sublimes. Moi, je me suis toujours dit, t'as une forêt et un chef-op compétent, tu peux faire des belles images. Je pense à un film qui s'appelle Lake Bottom. Je sais pas si tu l'as vu. C'est réalisé par un mec qui s'appelle Taneli Mustonen et qui a des images tombées par terre, juste de forêt flippante. Après, donc je sais pas du tout si le film a coûté cher ou pas. Je sais pas si t'as un budget. Mais je trouve que ça a une putain de gueule. Parce que visuellement, c'est super impressionnant. Au-delà des images, t'as une attention constante qui est portée aux détails. T'as parlé de la lumière, les cadres, les décors. Le film fait vraiment attention à proposer un univers cohérent et qui est visuellement très prenant. Et ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Après, concernant la narration du film, le film épouse vraiment sa nature de conte. Il s'ouvre sur une voix off qui présente une histoire générale, qui prend des prémices avec une séquence que j'ai trouvée visuellement très belle. Tu sais, des séquences orientées avec des espèces d'ornements en feu, etc. Ouais. Ah, le film qui va évoluer lentement, mais sans jamais ennuyer son spectateur. Bah, par exemple, en fait, au lieu de rechigner vraiment à montrer son forgeron, le film va le révéler au bout de 20-30 minutes et va montrer son démon au bout de quoi ? Une heure ? 50 minutes, une heure, je dirais ? Et en fait, le rythme est vraiment donné par la petite fille, par l'héroïne, qui est curieuse mais effrayée. Alors, j'ai pas un budget, mais j'ai un box-office. Vas-y. C'est 56 000 dollars. Bah, le problème, c'est que j'arrive pas à savoir combien il a coûté. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression qu'il ait coûté si cher que ça. Ouais, après, le truc, c'est que ce que tu risques quand tu vends à Netflix, c'est que, bah. Ouais, c'est ça aussi. Les bénéfices de la vente Netflix. Ouais. Et en fait, donc, pour ce que je disais, c'est qu'en fait, le film va vraiment progresser par à-coups. C'est-à-dire que il va d'abord avancer tout doucement avec la petite fille qui va découvrir peu à peu, avant de plonger à pieds joints dans le dernier acte, qui est peut-être malheureusement mon gros point noir. En fait, tout le reste du film m'a globalement convaincu, mais j'ai vraiment deux gros points noirs dans le film. Le premier, qui est plus léger, c'est qu'à part deux, trois d'entre eux, je pense au forgeron, à la petite fille, au démon, l'écriture, je trouve l'écriture des personnages laisse un peu à désirer, c'est-à-dire la grande majorité d'entre eux ne semble exister que pour une fonction. Par exemple, le curé qui est en charge d'Uzue, l'héroïne, on sait pas vraiment pourquoi il est en charge d'elle, on sait pas vraiment comment il la voit, est-ce qu'il l'aime mais il lui en veut de toujours dévier, est-ce qu'il la déteste purement et simplement. Pour moi, c'était un petit peu flou, et pour le coup, là, c'est peut-être ma grosse déception, mais je chipote un peu quand même, mais vraiment, c'est le climax. Alors, divulgation comme d'habitude. Le film va se terminer en enfer, devant la porte des enfers littéralement, par un combat entre le forgeron et un espèce de démon géant, le forgeron qui veut protéger la petite fille. Vendu comme ça, moi, j'aurais acheté ça direct. Maintenant, comment dire ? L'enquêteur se transforme, enfin, il y a un enquêteur dans le film qui se révèle être un démon, qui va se transformer en démon géant. C'est pas vraiment un enquêteur, c'est un mec qui vient saisir la forge. Si, il vient enquêter sur ça, il vient comprendre là-dessus. Il est envoyé par le gouvernement et il va se transformer en démon très grand. Et j'ai vu ça, je me suis dit, putain, on est parti, vas-y, vends-moi du rêve. Ensuite, je vois le forgeron qui prend la cloche sur le dos parce qu'il a besoin d'une cloche pour les démons. Une cloche en or qui fait genre 1 mètre de voilà, haut. Voilà ça, il la met sur le dos, il dit je vais en enfer pour la récupérer. Je me dis, mais putain, mais vas-y, genre Rambo. Mais, comment dire, c'est un peu décevant, parce qu'en fait, le combat se déroule devant les portes, c'est très jaune, il y a plein de lumière jaune, mais on voit pas grand-chose, et... Si, on voit un démon qui compte des fèves. On voit un démon, ouais, ici, les démons comptent les fèves, mais après, c'est peut-être dans le folklore basque, je vois que je le connais pas du tout. Mais en fait, peut-être qu'il y avait pas assez de budget, ou autre, mais j'ai trouvé ça... En fait, elle est pas si décevante, mais le problème, c'est que ce qui précédait m'avait tellement chauffé, l'univers autour était tellement cool, que... J'étais vraiment parti pour que le climax soit vraiment dingue. Et en fait, je trouvais que ça un petit peu en deçà du reste. Donc maintenant, en fait, pour conclure, je dirais que tu vois, le film lorgne un peu du côté de Del Toro, dans sa mise en image d'un imaginaire fantastique noir par des enfants, enfin, découvert par des enfants, sans pour autant carrément aller en faire une repompe, ce qui est vraiment une qualité quand on va le chercher du côté de Del Toro. Il va jongler plutôt habilement entre plusieurs imaginaires, en proposant une espèce de conte macabre, et vraiment, je trouve que c'était quand même une vraie petite pépite qui mérite d'être découverte, qui surprend, ne serait-ce que juste par son ambition, qui est quand même assez folle pour un film de cette échelle, oui. Je trouve. Et attends, on est sur les anecdotes du film. Pour revenir en fait sur le fait que le film soit. Que le fait que le basque soit important, c'est que le basque a été interdit sous la dictature de Franco. Ah bah voilà, en plus. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est même la langue parlée par les soldats dans le film. Qui sont pas censés être basques. Ok. Parce que pour le coup, c'est vrai que sur le coup, basque, ça peut un peu déstabiliser. Hein. C'est comme les films d'horreur québécois. Faut s'y faire. Faut s'habituer. Hein, genre. À chaque fois. Discopathe. Mais putain, c'est ça. J'ai Discopathe. Slash. À quoi ça, c'est anglophone pour le coup. Non, Discopathe, je pense que c'est le même réel. Donc oui, c'est Renaud Gauthier, mais à quoi ça, c'est trop. Ouais, Discopathe, pour le coup, faut s'y faire. Il hein. y a cette scène où t'as deux flics qui arrivent sur une scène de meurtre absolument atroce. Et ultra sanglante, et t'as donc le flic en chef qui arrive et fait tabarnak, qu'est-ce que c'est passé? C'est voilà, tiens, si tu fais ça, tu fais ah ouais, c'est pas que des clichés. Voilà, mais en tout cas, bref. Comme on dirait dans Mission Cléopâtre, c'est une culture. Voilà ça, mais qu'est-ce que. Toi, viens, d'accord, sur les 6 films, moi, ce qui m'a frustré, ça a été vraiment d'en proposer que 3. Parce que si j'avais pu en proposer d'autres, honnêtement, déjà, j'aurais proposé Thésis, sans aucune hésitation. J'aurais pris Rec. Ah ouais, Rec, Agora, même d'autres de la Iglesia, j'aurais pu prendre Perfect Strangers. Même Le Jour de la Bête. Même El Dia de la Bestia, qui est un peu trop connu, tu vois. Mais même El Dia de la Bestia, à la limite. Ou alors que j'ai découvert, il y a pas longtemps, qui est encore disponible sur France TV, au moment où sortira cet épisode, il me semble, Les Yeux de Julia, que je vous invite vraiment à voir, qui est une pépite horrifique, mais qui met mal à l'aise. Qui sinon est disponible en Blu-ray en France aussi. Ouais, qui met bien mal à l'aise, Les Yeux de Julia. Donc, d'ailleurs, en parlant de Blu-ray, juste... Elementary, ouais. Donc, qui est disponible en France sur Netflix. Ouais, et en Netflix Monde, je crois. Oui. Il me semble qu'il a été acheté pour le Monde. Et aussi, qui bénéficie d'un Blu-ray espagnol. Donc, qui est topable, qui est trouvable facilement. Qui est trouvable à 10 balles sur Amazon Espagne. Et qui est dispo avec la. Y a pas de VF, mais. Y a pas de VF, y a la VO, y a les sous-titres anglais. En sous-titres anglais, ok. Donc, voilà. Écoute, voilà. Bah écoute, c'était ma foi un épisode fort agréable. J'espère, peut-être pas tout de suite, mais qu'on refera un épisode Espagne parce que j'ai trop de films à proposer. Bon, peut-être faire d'autres pays avant. Je suis sûr de proposer aussi un Oriol Polo, genre The Body ou des trucs comme ça. À quoi ? Oriol Polo, c'est un autre réalisateur que j'adore. Okay. Et ça me sera l'occasion pour moi de prendre peut-être Abandonné, qui est un film de maison hantée qui est plutôt efficace. Mais voilà, et si. Est-ce qu'on explique rapidement les indices qu'on avait laissés ? Alors, on avait donc... On fera un post pour l'expliquer, ouais. Juste rapidement. Mais donc, les indices qu'on avait laissés, donc, on avait mis les 6 réalisateurs dont on allait parler. Ça, voilà. Je pense que ce sera un indice récurrent de mettre les réalisateurs à chaque fois. Oui. On avait mis l'affiche de Jurassic World Fallen Kingdom qui est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui, donc, comme son nom l'indique, est coréen. Et, qui est donc un réalisateur espagnol, qui est un réalisateur de L'Orphelinat, Quelques Minutes Après Minuit, Jurassic World 2, donc, et The Impossible. Oui. Et plus récemment, il a fait, je crois, 2 épisodes pour la série Seigneur des Anneaux. Ah, ok. Je crois qu'il, je crois qu'il a fait les 2 premiers. Et donc le dernier, l'affiche de L'homme qui tue à Don Quichotte. De Terry Gilliam, donc adapté évidemment du conte Don Quichotte de la Manche. Don Quichotte de la Mancha ? C'est ça. Mais on est en France, monsieur. Veux-tu que je t'appelle Corinne ? Corinne ! Non, et donc voilà, c'était les indices qu'on avait disséminés. Et pour le prochain épisode, on ne dit rien pour l'instant. On dit rien pour l'instant, mais on mettra aussi plusieurs indices. Même si je pense que dès le premier, ça devrait être un peu plus évident. Oui. Notamment grâce à un réalisateur qui, je pense, fera qu'on sera cramé à peu près instantanément. Mais voilà. Même une réalisatrice aussi. Oui, qui aussi, ça va nous cramer rapidement. Mais en tout cas, bref, bon, vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des retours, ce que vous voulez. Et si vous l'avez vu sur notre page Instagram, on prépare un épisode participatif. Ouais. Donc, si vous voulez, on a posté quelque chose là-dessus. Si vous voulez aller poster pour suggérer des films, bons ou mauvais. On fera sûrement, bref, un tirage, une sélection. On se débrouillera, mais on en prendra 6 dans le lot. On avait dit que l'épisode sortirait mi-décembre, mais sortira plutôt fin décembre, parce que mi-décembre, on garde ça pour un épisode. Probablement fin janvier. Parce que si les calculs sont bons, on a d'autres programmes. Enfin, il sortira d'ici janvier. Oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand, faudra juste qu'on cale avec les dates d'enregistrement et autres. On se débrouillera, mais en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Cette fois-ci, c'est sûr, il n'y aura pas de délai ou quoi, dans 2 semaines. Pour le prochain épisode, et puis voilà, tout simplement. Voilà. Merci encore d'avoir écouté. Merci, et au revoir. À la prochaine. Et n'hésitez pas aussi à partager ce que vous pensez du film sur les réseaux. N'hésitez jamais, bien évidemment. Du film, du podcast. Du podcast, et ouais, n'hésitez... Surtout même, si même, c'est bien. Même des films dont on parle. Hein. Ouais, même des films dont parce on parle. Parce qu'on va poster des avis rapides sur ce qu'on pense des films, ouais. Si vous voulez le partager aussi. Juste avec des petits emojis. Si vous avez détesté Abrelo Soro, c'est que vous n'avez pas d'âme. Si vous avez détesté Fragile, c'est que vous n'avez pas de goût. C'est des choses comme ça qui arrivent, mais il n'y a pas de problème. Enfin bref, merci à vous. N'hésitez pas à partager le podcast et à la prochaine.